Avoir prié pour nos vies, nous voulons prier pour les corps du Christ. Nous allons prier pour les églises sources fécondes. Que le Seigneur étende encore sa main sur les églises sources fécondes. Et que l'Éternel se souvienne de tous les pasteurs des sources fécondes. Et que l'Éternel aide l'Église à réaliser sa plus grande vision. Que l'Éternel soit avec nous. David dit, avec l'Éternel, nous allons faire des exploits. Voilà pourquoi ce matin nous allons prier pour les corps du Christ. Que le Seigneur se souvienne de nous et que le Seigneur bénisse son Église. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, souviens-toi de ton Église ce matin. Souviens-toi de tes serviteurs ce matin, ô Dieu. Les pasteurs de toutes les églises, Seigneur Père éternel, Dieu. Étends encore ta main, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis leur vie. Guéris leur vie, Seigneur Jésus-Christ. S'il y a eu des complots, c'est avec toi que nous allons triompher. C'est avec toi que nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi, Seigneur Père, nous prions pour ton Église, Seigneur. Comme tu as dit à Pierre, j'ai bâtirai mon Église sur toi. Et les puissances extérieures n'auront pas des effets sur toi. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, bénis ton Église, Seigneur. Lève-toi, Seigneur, défends ton Église. Toi, les dieux, Sabaoth, c'est lui qui défend son serviteur. Ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de l'univers. Bien-aimés, nous allons faire notre dernière prière qui consiste à prier pour notre pays. à prier pour la ville d'Elikasi. Nous savons comment ça se passe dans notre pays. À la fin de l'année, il y a des troubles par-ci, par-là. Que l'Éternel amène encore sa paix dans la ville d'Elikasi, dans le pays de la RDC. Que l'Éternel soit avec nous. Alors une personne élève sa voix et prie pour le pays. Aussi longtemps le pays est dans le calme, l'église sera ouverte. Nous allons entrer, nous allons prier, nous allons adorer Dieu. Mais s'il y a des troubles, les portes de l'église seront fermées. Voilà pourquoi nous allons prier que Dieu règne dans ce pays et que la joie et la paix soient avec nous. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit avec David que le bonheur et la joie vont nous accompagner. En cette fin d'année, Seigneur, que la vie d'Elikasi soit inondée de la joie et de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre pays, Seigneur, ce beau pays que tu nous as donné, que ce soit un pays de bonheur, un pays de joie, un pays de paix. En ces fins d'année, ô Dieu Tout-Puissant, que tu puisses étendre encore ta main sur nous, Seigneur. Que ta paix règne dans nos familles, dans les avenues, dans les rues. Seigneur Jésus-Christ, ta Père, est encore ta joie sur nous, Père éternel. de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans le profond de ta sainteté, tu m'emmènes. Désire vivre dans les profondeurs de la sainteté de Dieu. Cette fois-là, nous allons lui dire, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Ce matin, je suis là au devant de toi. Je réalise que tes bienfaits se sont une fois de plus renouvelés dans ma vie ce matin. Je suis là dans les profondeurs. J'aimerais vivre ta sainteté ce matin. Je suis perdu sans toi. Je Ces paroles peuvent monter dans ton cœur. Qu'est-ce que tu peux sans Dieu? Qu'est-ce que tu es sans Dieu? Monte en prière, sois reconnaissant, c'est Dieu. La nuit, quand je méditais, j'ai réalisé que c'est 351 jours que Dieu nous a protégés au courant de cette année. Tu n'es ni tombé malade, tu n'as pas connu d'accident. Combien n'est pas lui être reconnaissant? Sois reconnaissant même en peu de mots. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut lui dire un mot? Seigneur, je ne peux rien sans toi. Dieu, je ne suis rien sans toi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voilà pourquoi je désire habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Ce matin, je désire vivre dans ta présence. Ce matin, je désire habiter dans ta maison. Ce matin, mon désir est celui de rester ton enfant éternellement. Qui peut protéger comme toi? Sans l'Éternel, qui nous protégera? Ô Éternel, nous sommes reconnaissants ce matin. Bien-aimé, si celui qui n'est pas à côté de toi ne prie pas, toi prie, sois reconnaissant ce Dieu. Monte avec des mots. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia, c'est le chant qui ne finira jamais. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour notre Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer pour le roi de gloire? Nous acclamons pour le ressuscité du troisième jour. Nous acclamons pour le Narcisse de Saran. Nous acclamons pour le roi de gloire. Nous acclamons pour celui qui a vaincu la mort. Nous acclamons pour celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer pour ce Dieu glorieux? Est-ce que tu peux bien acclamer pour Dieu? Bien-aimés, peut-être que vous n'avez pas encore réalisé ce que moi j'ai réalisé. Nous allons nous saluer en nous souhaitant les vœux les meilleurs. Dieu nous a protégés. Tu peux saluer quelques 2, 3, 5 personnes que tu n'as jamais saluées, bien sûr, dans l'église. Souhaitons-nous les vœux les meilleurs. Il ne nous reste que 15 jours ou 14 jours pour finir cette année. Souhaitons-nous les vœux les meilleurs en Christ, le Dieu qui nous a protégés. Bonne année à tous. Pendant ce temps, nous invitons les canaux vocaux pendant que nous continuons à nous souhaiter les vœux les meilleurs. Nous pouvons continuer à nous saluer, ce n'est pas du tout mal. En même temps, les canaux vocalistes vont louer l'Éternel avec un cantique de louange. Kwile wewe wakibukola bumei o ujumuleleji wangumba le créateur incréé le tout puissant d'Israël père de gloire

Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? On peut aussi les encourager. Bien-aimés, les acclamations à la hauteur de la danse. Si notre papa Anafurai, donc Mungunae Kumbingu Anafurai, est-ce qu'on peut les encourager? Nous continuons avec la louange. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? De toute façon, vous êtes restés calmes. C'est comme si vous attendez un spectacle. Tous, nous allons louer le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout dans l'esprit de la louange? Commencez déjà à contempler la grandeur de Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Parce qu'il est tellement fidèle. Amen. Dieu est tellement bon. Je ne vois pas pourquoi il faut que Nélamokili. Acclame pour toi-même comme tu l'as connu. Il est merveilleux. Alléluia. C'est un plaisir d'être enfant de Dieu. On va chanter ensemble. Zambé Tata. Zambé Tata, Mufandi na likolo, Tchakopo na yo, Echalo kubungu, Elolo di pe di bela, Pole na yo,

Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu? Alléluia. Oyo mungu ko na beba bantu ku zero ala bafwa bana kwa ba hero. Oyo mungu ko na beba bale ba kwa ba levi ala bafwa bana kwa ba tumishi baki. Bananza kuganye manafsi. Oyo mungu ko na beba n'importe qui n'importe où ala muleta mu presence yake. Uyu Mungu alikuyako. Uyu Mungu ekwako. Uyu Mungu atakuyako. Atuwezi kumwabudu uyu Mungu. Bien-aimé, élève ta voix. Umwabudu Mungu. Umwambia sema uko mmoja tu. Ule alikuyakako. Ule ekwako na ule atakuyakako. Hakuna Mungu mwingine ule anaweza kutambuka masiekle na masiekle sawe. Wa ukalake na manda, wa tukuvotake. Eske kuko muntu ule, aneza kulamusha roho yake na kuabudu Mungu wetu. Élève ta voix bien aimé. Adore ce grand Dieu. N'attends pas la musique. Que ton cœur soit reconnaissant à ce Dieu. Il nous a protégés pendant 350 jours. Il ne nous reste que quelques 15 jours. Nous savons que nous allons traverser. Nous avons foi en lui. Nous croyons vraiment que c'est un bon Dieu, un protecteur. Élève ta voix. Parle-lui. Sois reconnaissant à lui. Sois reconnaissant à ce Dieu. Sois reconnaissant à lui. Ce matin, toi le Dieu. Dieu tout puissant. Que puis-je te donner, toi qui mon cœur considère. Que puis-je te donner, mon Dieu. Tout l'univers est créé par ton pouvoir. Le ciel t'assure. Les éclairs, les tonnerres ont été créés par toi. Puissant. Je te dis merci ce matin. Mon cœur est connaissant ce matin. Comment t'adorer? Mon cœur est connaissant ce matin. Mon cœur est connaissant ce matin. Personne n'est comme toi. Sois adoré, Seigneur. Sois élevé, Adonai. Oh Dieu, tu es élevés ce matin. Sois élevé dans nos vies. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Hier tu étais Dieu. Aujourd'hui tu es Dieu. Demain tu seras Dieu. Les hommes passent. Le Seigneur, n'attends pas. Il est Dieu, il est Dieu. Il est le vrai Dieu, il est réel. Alléluia. Ce cantique, on va glorifier avec l'église, les instrumentistes s'arrêtent, nous chantons tous ensemble, toute l'église chante qu'il est Dieu, il est Alpha et Omega. Nous chantons ce cantique, le même cantique, seulement avec l'assemblée. Oh, you are Yahweh. Maintenant, élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Pandisha Sauti, Anja Kwabodomo. Commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix. Alléluia. Ta voix n'arrive pas, il veut t'écouter ce matin. Il veut t'entendre. Dis-lui qu'il est Alpha et Omega dans ta vie. Même sur la terre. Atta subiyaleo. le Seigneur de ce C'est des moments comme ça où Dieu guérit les malades. C'est des moments comme ça où Dieu visite des vies, des familles. Oh, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer très fort? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 13 décembre. On reste debout quelques minutes. L'année est en train de se terminer. Je sens dans mon cœur qu'on loue, je sens la joie de louer le Seigneur. Loue le Seigneur pour ce qu'il va faire, pas pour ce qu'il a déjà fait. Loue-le pour ce qu'il va faire demain, après-demain, les jours qui viennent, la semaine qui vient. Loue-le déjà. Il y a un cantique, je ne connais pas très bien, vous l'avez arrêté au milieu. Hosanna, Moyouane. Maman Gloire a commencé et puis Anakata. Aïe, chantez tout ça. Alléluia. Amen. Ok, allez-y. Je crois, c'est ça. Ok, vous avez comment ça se passe. Qu'on loue le Seigneur avec ce cantique. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de l'acclamer. Alléluia. Il est bon de l'acclamer. Alléluia. Il est bon de l'acclamer. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Acclamons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer tirant cette marche, il y a des blocages. Tirant cette marche, il y a des pertes. Oui, la canne. Oui, la Hey, why sale la wani? Hey, Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour trois choses qu'il a faites pour toi cette année? Trois choses. Regarde, il y a plusieurs choses. Mais regarde trois choses. Quand tu les regardes, tu dis ici. Il n'y avait que Dieu qui pouvait faire ça pour moi. Alléluia. Amen. Il y a des choses que les hommes peuvent faire. Mais il y a des choses dans ta vie. Quand tu les regardes ici, tu dis non, ici, c'était le doigt de Dieu. Aucun homme ne pouvait imiter ça. Même toi-même, tu ne pouvais pas imiter ça. Même les sorciers, les diables, tous ne pouvaient imiter ça. Il n'y a que Dieu. Alors, élève ta voix. Dis merci au Seigneur. Merci, Jésus. Ce qu'il a fait, il fera encore plus que ça. Il est merveilleux. Seigneur, reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Oh, moi je n'ai que Jésus. Si on m'enlève Jésus, je n'aurai plus rien. Dans toutes les situations de ma vie, sur quoi tu te tiens? Sur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui te rassure demain? Jésus-Christ. Qu'est-ce qui te garantit? Jésus. Quelle est ton assurance vie? Jésus. Alléluia. Hey, y'a la bouche. Je n'aurai que toi, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Je n'aurai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Les hommes peuvent m'enlever. Je me réveille, je n'ai que toi. Je marche, je n'ai que toi. Ne peux que me réveiller. Je voyage, je n'ai que toi. Qui suis-je, Seigneur? On veut tester. Les êtres vieillards peuvent se prosterner. Mes enfants, je n'ai que toi. Qui suis-je pour ne pas t'élever? Qui suis-je pour ne pas t'adorer, Seigneur Jésus? Oui, je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La la la la la la la la. Alléluia. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Tu me l'enlèves. pour ta présence ce matin. Nous bénissons ton nom. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Et nous vous bénissons aussi pour votre présence. C'est déjà la troisième semaine de notre mouliment 30 2025. Et demain, nous commençons la quatrième semaine, l'avant-dernière semaine. Et nous allons vous donner le programme à la fin. Nous aurons des moments exceptionnel. Je vais revenir sur ce communiqué à la fin. Le mardi 30 décembre, avant de terminer l'année, nous voulons que l'Église pense aux orphelins de la vie de Likasi. Et déjà au courant de la semaine, en semaine, le dimanche, venez déposer tout ce que Dieu peut vous mettre à cœur pour les orphelins. La nourriture, les vêtements, les médicaments. Nous allons visiter les trois orphelinats connus. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je connais trois orphelinats. Je ne parle pas des chègues, je parle des orphelins. Donc le mardi 30. Donc cette semaine-là, on n'aura pas le culte. Mardi, nous allons visiter les orphelins, les autres trois orphelinats. À moins qu'il y en ait d'autres, je ne sais pas. Et le jeudi 1er janvier, nous aurons un culte accenti buana. Le culte de remerciement le 1er janvier. Le matin. Si tout va bien, l'après-midi, nous aurons aussi une célébration accenti buana 2026. Je crois que je finalise cet après-midi avec le pasteur Joël Kaboué. Pour la célébration Accent Tibouana le 1er après-midi. Le 1er Mangaribi, tamaliza na pasteur Daniel Kaboué. Et le 4 janvier. Donc nous aurons un seul culte le jeudi, le 1er, le matin, et une célébration. Donc le matin et l'après-midi, nous en aurons le thème de l'année le jeudi matin. Dimanche 4, ça sera aussi un culte spécial. Le matin, je vais prier pour quelques serviteurs et présenter quelques serviteurs. Et donner comment on va travailler en 2026. Et le dimanche 4, l'après-midi, nous aurons une conférence de filles, de jeunes filles, de filles. Mais j'ai voulu que cette conférence se fasse en dehors de l'église, donc à la salle La Perle. Pourquoi? Pour ouvrir à toutes les filles de Likasi qui peuvent être sauvées, qui ont besoin aussi du Seigneur. Nous comptons à travailler avec Maman Gloria qui s'occupe des jeunes sœurs, et nous pensons qu'on va tout finaliser dans les 2-3 jours ici. Voilà le programme, et les autres programmes je vous donnerai le jeudi 1er et après ce culte pour l'orateur qui vient, qui commence demain. Nous avons été richement bénis cette semaine. Le docteur Luc nous a donné des choses profondes, très profondes. Et même hier aussi, la masterclass était extraordinaire. Je bénis le Seigneur pour tous les hommes de Dieu que le Saint-Esprit Dieu nous a envoyés cette année. La profondeur, l'encouragement, le dévouement. Oh bien-aimé, c'est très important. C'est très important ces choses. Et je pense que cette année, en tout cas, si ta vie ne change pas, il ne faut pas incriminer Dieu. Alléluia. Amen. Même pas incriminer le voisin. Même pas le diable. Parce que le diable n'est pas aussi puissant qu'on le croit. Alors Dieu nous a parlé profondément. Dieu nous a dit des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, le docteur Luc, il clôture. Parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Je le remercie déjà. Parce que quand on faisait le programme avec lui, il a dû bouger un peu son calendrier. Étant donné déjà la semaine prochaine, il doit se déplacer. Mais il a voulu venir partager avec nous ce moment de prière. Ce moment d'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je demande au protocole d'ouvrir la porte ou les portes principales. Quand je vois les gens venir, on dirait qu'ils hésitent comme la porte et les portes sont fermées. Ouvrez seulement ces portes-là pour qu'ils comprennent que Atrom Kinkurim, Batukumukanis. Alléluia. Malgré la climatisation, je pense que ces portes-là de fond peuvent rester ouvertes. Voilà, nous voulons donner place à la parole de Dieu. Prépare ton cœur à écouter le Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose de grand ce matin. Alors, Église toute féconde, est-ce qu'on peut se lever et accueillir l'homme de Dieu qui s'approche? Pendant qu'il s'approche, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer correctement? On peut célébrer le Seigneur. Avec joie, est-ce qu'on peut apprécier? Nafura, tunaweza kutapa hiyo. Le maître de vie, c'est lui. Bwana wa uzima ni yeye. Le Dieu infaillible, c'est lui. Mungu mwenye asitikizike ni yeye. Nous avons la finitude et la mort. Sisi tunakuwa na mwisho na kifo. C'est lui qui vit au siècle des siècles. Yeye jo anaishi kwa milele na milele. C'est lui le roi éternel. Yeye njo mfalme wa milele. Quelqu'un peut m'aider à lever la main droite? Mmoja anaweza nisaidia kunyosha mkono wa ume. La Bible dit dans Psaume. Biblia inasema ndani ya Zaburi. Que l'élévation de mes mains soit comme l'offrande du soir. Unyanyulivu wa mikono yangu ikuwe kama sadaka ya magharibi. La Bible dit dans Ephésiens. Biblia inasema mwa Efeso. Les dominations. Mautawalo. Les autorités. Mautawalo yote. Apprennent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ijue tena kwa kanisa hekima ya milele ya Mungu. En levant le main. Les esprits apprennent que tu es en train d'adorer Dieu. Mapepo itambua kusema na habudu Mungu. Seigneur Dieu. Bwana Mungu. Nous voici. Sisi hapa. Ici ce matin. Hapa asubuhi. Nous voulons te rendre un culte agréable. Tunapenda kurudishia tena ibada mzuri. Nous voulons dire merci. Tunapenda sema asante. Nos mots ne les décrivent pas correctement, Seigneur. Misemo yetu aiseme vile inastahili. Nos pensées ne les disent pas correctement, Seigneur. Souviens-toi que nous sommes poussière. Mais tu as voulu habiter en nous. En alliance avec le travail de Golgotha. Comme toi-même tu l'as dit dans Zacharie. Pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je libérerai tes captifs. Fais-le ce matin, Seigneur. Libère une âme. Sauve une âme. Change la destinée de quelqu'un. Ma prédication ne peut pas le faire. Mais ton esprit peut le faire. Dieu, en alliance avec Golgotha, en alliance avec le martyr de l'évangile, en alliance avec les hommes de Dieu qui nous ont prêché l'évangile, en alliance avec ceux-là qui ont commencé cette communauté et ceux-là qui ont travaillé dans cette église, en alliance avec l'appel de notre pasteur révérend Désiré, ouvre-toi maintenant. Bénis-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Avec joie, nous disons amen en acclamant très fort. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Pour nous, c'est toujours un privilège d'être dans la maison de Dieu. Merci pour votre vie. Merci pour votre présence. Nous disons merci à papa et à maman pour le travail. Et je sens que la dimension prophétique a augmenté au milieu de nous. Ma prière c'est continuer comme ça. Merci pour tous les serviteurs de Dieu ici. Je me considérerai toujours comme ouvrier parmi vous. Et je parlerai auprès de Dieu vous aussi. Merci pour tous les chrétiens, vous êtes exceptionnels. Magnifique. Vous êtes magnifique. Magnifique. Merci parce que vous êtes connecté aux choses célestes. Avec des chorales. Wonderful. Na makwaya mazuri zaidi. Wonderful. Mazuri zaidi. Alors merci, merci pour tout. Aksante kwa yote. Merci de nous avoir accepté au milieu de nous. Aksante sababu mnetualika katikati yenu. Nous le moindre parmi les autres. Sisi wachini katikati ya wengine. Et aussi moindre parmi les orateurs. Na tena wachini katikati wa ubiri wote. Mais par la grâce Dieu nous a aligné. Kwa nehema tu Mungu aliweza kutuchakua au kutupanga. Merci pour tout. Aksante kwa yote. Je vois Mzee Guy qui est là, il lève la main, nous le saluons. Je vois l'ancien qui est là-bas, nanyanyua mkono. Merci pour allez, tout. Allez, nisindikiza, aksante kwa yote. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Moi, je ne suis pas Jean-Baptiste. Hein? Sina Yohana Mbatizaji. Moi, je suis Luc Corban Muteba. Miye minakuya Luc Corban Muteba. Jean-Baptiste peut prêcher même dans un désert. Yohana Mbatizaji aliweza kubiri hata katika jangwa. Moi, je vais te prêcher parce que tu es là. Mimi nitakuhubiri sababu uko hapa. Je parlerai parce que je te vois. Tasema sababu nimekuona. Et je vais tout faire. Tafanya yoyote. Pour te peupler l'enfer et peupler le royaume. C'est pourquoi je voudrais qu'on communique aujourd'hui, qu'on partage ensemble, on dit amen à la parole. Et c'est comme ça que les choses se passent. Parce que Dieu me pose même ce matin une question. Luc. Est-ce que ces ossements peuvent-ils vivre? Je lui ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit, va prêcher. Va prêcher. Et pendant que je vais prêcher, il y aura des mouvements spirituels. Des choses éloignées vont s'approcher. Et à la fin de Moulima 30, il y aura une grande armée ici. Tu crois, tu me donnes amen. Tu crois, tu me donnes amen. Tu crois, tu donnes alléluia. Alors depuis lundi, on avait un Kikongwani ici de parler pendant 7 jours. Et vous savez, on commence déjà à vieillir. On est déjà cinquantenaire. Alors la vigueur commence à partir. Mais bientôt là vous verrez un jeune de 30 ans. Par la puissance du Saint-Esprit. Alors va avec la force que tu as. Moi comme pasteur, je veux toujours marcher au pas de brebis. Je veux rappeler les grandes leçons. Et après on va lire Job chapitre 14 le verset 10. Et puis Jérémie chapitre 40 le verset 14 à 16. À virgule 41:1-15. Là vous écrivez, vous allez méditer à la maison. Alors Gédéon, c'était une période du péché au verset 1. Et le péché a fait que Dieu les livre entre les mains de méchants. Et une application pour nous aussi. Toutes les fois que nous péchons. Le péché c'est quoi? Zambi ni nini? C'est la transgression de la loi de Dieu. Inakuya ni kuto kutii kwa neno la Mungu. Et cette loi là, iyo sheria, elle est d'abord les 10 commandements. Inakuya tu ni maamri kumi. Ça c'est une loi écrite dans la conscience de tout être. Ni sheria yenye kuandikia muzamiri ya kila binadamu. Et même si tu n'as pas les versets, hata kama unakosa mstari, tout ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse sur toi. Yote autamani wa kufanishie wewe. C'est ça le péché. Jo imekuwa zambi. C'est à toi aussi de ne pas le faire sur l'autre. Ni wewe inabidi usiyatimize kwa ajili ya mwingine. Les voleurs n'aiment pas voler. Mwizi asitamani wa muibe. Iba mwinjo ne vyatakupika. Va voler un voleur, tu verras de la façon dont il va te frapper. Les femmes infidèles sont généralement jalouses. Le péché, Zambi, c'est ce que ta conscience dit que ce n'est pas bon. Ni ile zamiri yako inakwambia haiko mzuri. Et quand vous le faites, na wakati munayatenda, Dieu enlève la clôture sur toi. Mungu anatosha yenye anakukinga nayo juu yako. Et malheureusement, tu es livré entre les mains de méchants. Kwa hole unatoweka mumikono ya wabaya. Voilà pourquoi il y a le malheur sur terre. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Et tout ce que tu construis avec le péché, ça produira la mort quoi que tu fasses. Tu as commencé une affaire avec l'argent volé. Même si tu y mets les prières, ça te compliquera plus tard. Mais Dieu a mis un dispositif pour résoudre les problèmes du péché. C'est la repentance. Si tu te repens, d'ailleurs la Bible dit, la Bible ne dit pas heureux celui qui ne salit pas sa robe, mais la Bible dit heureux celui qui lave sa robe. Et Dieu dans Apocalypse, il est fatigué, il dit que celui qui s'essuie, qu'il s'essuie encore. Mais je viens bientôt. Alors quand quelqu'un est dans le malheur, et on a parlé de 4 sortes de malheurs, malheur naturel, nous sommes sur terre. Job chapitre 5 le verset 7, l'homme né de la femme Binadamu mwenye kuzalikwa kwa mwanamke. Sa vie est sans cesse agitée. Maisha yake inakuwa yenye kutikisika. Et c'est comme des étincelles. Sa souffrance est comme des étincelles qui s'envolent. Maisha yake inakuwa kama tumamoto tuko na lukaluka. Donc il y a un moment que ça va marcher. Kuko wakati itaendeka. Et un moment ça ne marchera pas. Na wakati ingine bitaendeka. Et deux. Ya pili. La souffrance à cause du péché. Magumu kupitia zambi. Et la Bible le dit. Na Biblia inasema. Eve. J'augmente la souffrance na ongeza tena de tes grossesses. Ya hivi ya mimba yako. Trois. Ya tatu. Il y a les gens qui souffrent. Watu wanateseka. Parce qu'ils ne font rien dans la vie. Sababu hawafanya kitu maisha yao. Ce sont des paresseux. Wao ni wasaifu tu. Dès qu'ils ont l'argent, ils bouffent tout. Wakipata pesa wanaikula yote, wanapepeta. Non, non, dans yote. La loi de la moisson. Mu hiyo tena sheria ya kuvuna. Ce que tu trouves. Kile unapata. Il y a à manger. Kuko ya kula. Il y a à investir. Kuko ya ilo naweza kuweka. Parce que demain. Sababu kesho. Tu en auras besoin. Utayahitajia. Mais il y a des gens. Kuko watu. Aussitôt qu'il a. Hivi anapokea tu. Aussitôt les ailes poussent. Paka pale mabao inaota. Et il commence à vilipender. Yeye anaanza tu ni kusahau. Mais il y a les autres qui souffrent. Kuko wengine wanateseka. Parce qu'il y a un méchant qui vous fait souffrir. Sababu kuko mubaya fulani anamitesesha. Et Israël a crié. Israël yakalalamika. Et Dieu a envoyé la solution. Na Mungu aliweza kutuma jibu. La force de Gédéon. Nguvu ya Gideon. Nous avons trouvé un. Tulipata ya kwanza. Dans sa résilience. Inakuwa ni mahali yake ya shukrani. Alors que tous les Israélites fuyaient. Wa Israeli wote wakakimbia. Dans les ravins. Ndani ya mashimo. Dans les montagnes. Ndani ya milima. Mais lui. Lakini yeye. Est resté dans les térébènes. Alibaki chini ya mwaloni. Et les térébènes. Na mwaloni. Parlait. Ilisemezea. De sa loyauté à l'héritage paternel. Ya hivi halibaki mwaminifu kurithi ya wababa. Tu peux avoir des problèmes. Unaweza kuwa na shida. Ne va pas à Canona. Lakini usende ne va pas dans les ravins. Usende mumashimo. Ne va pas chez les féticheurs. Usende tena kwa waganga. Viens à la plantation de Dieu. Karibia tena hapa pa majani. Viens à l'église. Karibia ku kanisa. Dieu te visitera un jour. Mungu atakonekanikia siku moja. La femme qui était courbée. Huyu mwanamke mwenye kukunjama. 18 ans. Alipitisha miaka makumi. Mais elle allait toujours à la synagogue. Lakini alikuwa paka synagogue. Un jour. Siku moja. Jésus-Christ. Yesu Kristo. L'a rencontré. Alikutana naye. Et toi. Nawe. Si c'est pas dans ce moulin matran. Kama iko mumuli matran. Il y a un jour pour toi. Unakuja siku kwa Dieu. Je vais te visiter. Mungu atakonekana. Si tu es Anne. Kama wiko Anne. Tu as des problèmes. Uko na shida. Ne va pas dans les ravins. Hapana kwenda mumashimo. Ne va pas dans les montagnes. Hapana kwenda kumilima. Ne va pas dans les églises églisettes. Hapana kwenda mutuma kanisa. Ne va pas dans des choses qui ne honorent pas Dieu. Usende mubitu abimheshimishe Mungu. Allez à l'église. Endeni kanisani. Prie encore. Omba tena. Crois en Dieu. Amini ya mwa Mungu. Dieu va apparaître dans ta vie. Ataonekana maishani mwako. Et quand Dieu apparaît. Na wakati ataonekana. Ya kwanza. Il vient mettre fin à la souffrance. Anakuwa kuweka mwisho kwa mateso. Pendant que je prêche. Wakati na ubiri. Dieu va apparaître dans ta vie. Mungu ataonekana maishani mwako. Et il va mettre fin à la souffrance. Ataweka ukimya. Tu me donnes amen. Unanipa amen. Tu dis hey Yahweh. Hey Yahweh. Me voici. Mie huyu. Me voici. Mie huyu. Apparaît dans ma vie. Onekana mu maisha yangu. Et Dieu s'il apparaît. Na kama Mungu ameonekana. Il va te donner un mandat. Atakupatia ruhusa. Va. Henda. C'est moi qui t'envoie. Ni mimi nakutuma. Avec la force que tu as. Na nguvu yenye uko nayo. Les autres c'est dans le champ missionnaire. Wengine nakuwa ni mshamba. Les autres c'est au travail là où tu vas. Wengine nakuwa ni kukazi. Les autres c'est dans la famille. Wengine ni mchama. Vous aurez une mission. Munakuwa na kazi. Et Gédéon. Gideoni. Il a activé l'apparition de Dieu. Aliweza kuhakisha kuonekana kwa Mungu. En donnant l'offrande. Hivi alileta sadaka. Quand il a donné l'offrande. Wakati analeta sadaka. Cette même nuit. Il est aussi Dieu lui dit, Mungu akamwambia, va détruire ma prière pour toi dans ce moulin matrante, que Dieu Mungu te donne une orientation prophétique. Que Dieu ne te parle pas seulement comment tu seras à côté de Barack Obama. Mungu paka takuwa pembeni ya Barack Obama. Parce qu'il y a beaucoup de prophéties sans. Ça ne résout pas des problèmes. Ma prière pour toi. Que Dieu Mungu te dise. Quoi faire pour avoir le mariage. Quoi faire nini pour réussir dans la vie. Quoi faire pour guérir? Répète après moi, hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Me voici. Nieuyu. Oriente-moi. Uniongoze. Parle-moi. Semanami. Pour résoudre ces problèmes. Tu yakuleta jibu kwa hiyo shida. Au nom de Jésus, acclame très bien, acclame très bien, acclame. Chapa kofi muzuri. Et là, on a aussi parlé que l'homme était un esprit divin. Binadamu anakuya tu ni roho ya Mungu. Dieu l'a envoyé dans ce monde Mungu alimutuma pa hiyo ulimwengu pour accomplir une mission. Juu ya kufanya kazi fulani. Mais comment l'homme puissant? Namna gani huyu mtu wa uwezo? Psaume chapitre 8. Zaburi sura yake 8. Dieu nous a créé de peu inférieur à lui-même. Mungu haliweza kutuumba chini tena yake. Si Dieu c'est 1000%, 100%. Mungu anakuya tu ni 100%. Nous nous sommes de peu inférieurs à lui. Sisi tunakuya tu ni kidogo chini kwake. C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques. Biblia inasema tena mu Jacques. L'homme a dompté tout. Binadamu aliweza kutawala yote pa utongo. C'est l'homme qui a découvert le cuivre. Ni binadamu jo aliweza kufungua. C'est l'homme qui découvre quoi faire. Ye jo alivumbua nini. L'avion c'est l'homme. Inakuwa ndeke ni binadamu. Tout c'est l'homme. Yote ni binadamu. Alléluia. Amina. Parce que l'homme binadamu c'est une force. Imekuwa nguvu. Mais comment l'homme a perdu la force? Namna gani binadamu akapoteza nguvu? Ya kwanza. La chair. Mwili. Ne nourrissez pas la chair. Apana kulisha mwili. Détruisez la chair. Waribu mwili. Les hommes qui deviennent importants dans la vie. Wale watu wanakuwa na pei ndani ya maisha. Ils ne dorment pas comme toi. Hawalale kama wewe. Ils réduisent le sommeil. Wao wanapunguza usingizi wao. 8 heures. 8 heures ni 8 heures. Parce que l'homme a 24 heures réparti en 8. Binadamu anakuwa na 24 heures. 8 de travail. 8 ya kazi. 8 de sommeil. 8 ya usingizi. Et 8 de repos. Na 8. Alors les hommes qui deviennent grands. Hawa watu wanakuwa wakubwa. Ils prennent dans le sommeil et dans les loisirs, ils ajoutent au travail. Wanaongeza usingizi na kufanya vingine, wanaongeza ku kazi. Ne dors pas comme toi tu dors. Hapana kulala vipi unalala. Yako ina pita. Tu as débordé. Tu aimes tellement la chair. Unapenda zaidi mwili. Tu manges autant. Unakuria vile tu y ajoutes même le péché. Unaongezia po na zambi. Et là l'homme devient de plus en plus faible. Na pale binadamu anakuya tu ni muzaifu. L'homme devient faible avec les blessures intérieures. Binadamu anakuwa muzaifu tena na vionda vya ndani. Oh moi je ne pourrais pas. Shitaweza. Mwachele mamimbo ya mimi muzaifu. Arrêtez ces chants disant que je suis faible. Apana. Chantez la louange de Dieu. Imba sifa ya Mungu. Chantons Dieu est grand. Tuimbe Mungu ni mkubwa. Chantons comment il a changé mon statut. Tuimbe vile anapenda. Changer comment il a revu mon dossier. Ivi aliweza kujulisha kwa upi alianza. Plus tu parles. Ivi unasema. Plus tu deviens fort. Na vile plus tu te lamentes. Ivi una plus la force est anéantie. Na nguvu nayo inaisha. C'est pourquoi que les faibles disent. Que les pauvres disent. Wa maskini wasemet kwa watajiri. Vous pouvez prendre $5,000 et vous donner à 3 enfants. Unaweza chukua $5,000 na pachia watoto watatu. De même âge. Wa miaka moja. L'un vient de Paris. Moja natoka Paris. L'autre vient de Lubumbashi. Mwingine Lubumbashi. L'autre vient de Kabeya Kamwanga. Na mwingine ku Kabeya Kamwanga. Et vous leur dites construisez. Mnawapatia sema wajenge. Même âge. Miaka moja. Chacun peut construire. Kila mmoja anaweza kujenga. Construire quoi? Kujenga nini? L'un peut construire pour $200 et puis dit. Mwingine anaweza kujenga juu ya $200. Ah, ubwana, nipe tu 5000 kujenga. Yani. Il me donne seulement 5000 pour la construction. Pourquoi tout cet argent? Il peut seulement prendre la paille, le mais pum. Tabeba tu kipanda nafanya et le reste. Or, ils ont le même sang. Wanakuwa na damu. Même âge. Miaka moya moya. L'environnement est une prison qui anéantit l'esprit. Lakini fasi tunaikala inakuwa ni gereza yenye inashusha tena roho yetu. Fréquente les gens qui te dépassent, tu vas copier. Kuya na wale watu wanakupita nawe utabafatirisha. Si tu fréquentes les gens qui te poussent vers le bas, tu seras comme eux. C'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit, celui qui fréquente les sots sera sot. C'est bon, tu penses que c'est quoi la vie? Va voir l'homme. Il se développe, il améliore, tu vas aussi améliorer. Je viens dire à quelqu'un, tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas encore fini. Parce que Jésus dans la Bible, il a ressuscité un enfant dans la maison de son père. Il a ressuscité un autre sur le chemin du cimetière. Il a ressuscité un autre déjà dans 4 jours. Pour dire que le Jésus pour qui tu es ici ce matin, il peut résoudre ton problème au niveau primaire. Il peut aussi résoudre ton problème à un niveau accéléré. Il peut aussi le résoudre à un niveau terminal. Tu me donnes amen à tous les niveaux qu'il vienne à ton secours. Tout est lié à ce que tu dis de Dieu. Si tu demandes à Dieu le foufou, il te donnera le foufou. C'est pourquoi il dit, depuis l'ancienne alliance, Adam n'a pas demandé une femme. Adam asikuombe mwanamke. Et quand ça bardait, na pale biritoroka, Adam a dit, la femme que tu m'as donnée. Adam aliweza kusema ni huyu mwanamke ulinipatia. Est-ce que je t'avais demandé cette femme? La femme que tu m'as donnée. Ni huyu mwanamke ulinipatia. Ah, quand je donne aux gens, eux, Dieu, dans son amour, il vient chez Salomon. Mon upendo wa Mungu akakuya kwa Sulemani. Demande. Omba. Salomon ça. Mina lomba langu ekima. Et il a demandé la sagesse. Dieu lui dit, bon, je te donne en outre. Mungu anamwambia sema mina kuongezea tena utajiri. Alors Dieu regarde et dit, ni kiongezea Salomon, ça pose aussi des problèmes. Si j'ajoutais aussi à Salomon, il t'allait tena chier. Dans le Nouveau Testament, les principes changent. Mu agano mupia. Mitindo demande ce que tu veux. Weye, omba kile unatamani tu. Je le ferai. Nitaitimiza. Demande ce que toi. Wewe, omba kile unatamani. Ce que tu veux. Kile umetamani. Si tu demandes à Dieu la chemise, il te donnera. Ukiombe chemise kwa Mungu, hata kupati. Si tu demandes la grandeur, il te donnera. Ukiombe ukubwa. Il pose même la question, demande-moi même les extrémités des nations, des terres, moi. Uniombe hata ile na kuya mwisho tena udongo utakupati. Rien n'est impossible à Dieu. Hakuna kitu kiwezekani. Tout est possible à celui qui croit. Yote inawezekana kwa mwenye anaamini. Tout est lié à ton état intérieur. Yote inambatanisha na hali yako ya ndani. Sois guéri. C'est ton père qui est diabétique, pas toi. C'est ton père qui est malade, pas toi. Toi, tu dois te relever. Tu regardes ton visage dans le miroir. Tu confesses. Moi, toi que je vois, monsieur, tu iras loin. Toi que je vois, tu dépasseras les limites. Toi que je vois, tu feras les exploits. C'est comme ça que moi je confesse. Toute personne a un problème. C'est toi qui dois changer ta destinée. Wenjo tabadirisha ujio wako. Et la valeur de l'église, kanisa, c'est la transformation de l'esprit. Ni ubadilisho tena, on travaille là-bas. Wanabadilisha, banatumika mule. La prière mahombi, va trouver la place dans l'esprit renouvelé. Itakuta fazi tena mwile, ro inesha kujulisha kwa upia. Et on a parlé sur la force. Et anéanti par les ennemis. La force. Et anéanti par les alliances. Pour ce matin. Bonne nouvelle. La force. Par la vie. maisha uzima. La mort vient anéantir la force. Kifo kinakuya tena kuharibu nguvu. Job chapitre 14 le verset 10. Ayubo sura ya 10 na ine msari wake wa 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Tunasoma neno ya Bwana. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je crierai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Mais l'homme meurt. Binadamu anafariki. Il perd sa force. Anapoteza nguvu lake. L'homme expire. Mwanadamu anaweza kutoa. Et où est-il? Na eko wapi? Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Aidez-moi à apprécier en acclamant très fort, acclamer très fort. Chapatena kofi kwa nguvu. Ici, ce sont les paroles de Job. Et au verset 10, c'est une prophétie où il parle de deux hommes. Et on va utiliser cela pour une application de notre vie. Là, il parle de deux Adams. Anasema kwa jina Adamu wawili. Le premier homme qui meurt, mtu wa kwanza mwenye anafariki, c'est le premier Adam. Ni Adamu wa kwanza. Il a perdu sa force. Alipoteza nguvu lake. Toute la création a été rebelle à Adam. Umbo wote iliweza kumtombokia Adamu. Et Adam a perdu l'influence sur la création. Na Adamu asikukue na kia kusema juu ya umbo. Et des années plus tard, na miaka inapita, un deuxième Adam va pas mourir mais expirer. Lakini Adamu wa pili asikufariki lakini yeye halipumua. Et vous le voyez dans la Bible. Munamuona ndani ya Biblia. Dans Luc 23 46. Luc 23 46. Et Jésus poussa un grand cri et il expira. Na Yesu akatosha kelele kubwa na kisha kapumua. Et la Bible dit? Na Biblia ikasema. Où est-il? Uko wapi? Parce que Jésus-Christ, sababu Yesu Kristo, quand il a expiré, wakati aliweza kupumua, on le cherchait. Balianza kumtafuta. Et lui-même a dit, na yepeke akasema, je m'en vais où vous ne pouvez jamais arriver. Minaenda kule hamuwezi kufika. C'est pourquoi, kwa mana, quand on l'a déposé dans sa tombe, wakati bali mweka mkabuli yake, Jésus a continué à travailler. Yesu aliendelea kufanya kazi. Il a libéré les captifs. Aliweza kufungula wafungwa. Et aujourd'hui il est à la droite du Père. Na leo anakuya tena kume ya Bwana. C'est pourquoi on dit où est-il? Kwa mana wanasema ko wapi? On le cherche et on ne le trouve plus. Wakamtafuta kisha hawakumuone tena. Mais je veux en faire une application pour mon frère et ma soeur. Napenda kuyaweka kwa utendo kwa ajili ya ndugu na dada. La force, nguvu, c'est quand tu ne meurs pas. Ni wakati haufariki. Tant que tu meurs, wakati tu unakufa unafariki, c'est la fin de ta force. Inakuya ni mwisho ya nguvu yako. C'est pourquoi je viens prier avec toi. Nakuya kuomba pamoja nawe. Que ta force soit manifestée. Nguvu yako ipate kuonekana. La mort, qu'est-ce? Kifo ni nini? Selon les concepts hébreux, kufatana na misemo ya Urbania, mourir veut dire séparer. Kufa inasema kuachanisha. Mourir veut dire privé. Inasema tu ni kukataliwa. Mourir veut dire enlever. Inasema tu ni kuchukua. Quand quelqu'un va mourir, wakati mtu amefariki, on le sépare. Bana muachanisha. L'âme, l'esprit et le corps se séparent. Nafsi ro na mwili bina achana. Et directement le corps. Mpaka pale mwili. Si n'a pas l'âme et l'esprit, kama kuna nafsi na ro, on l'appelle maintenant cadavre. Bana ita tu kitumba. Et l'âme et l'esprit s'en vont. Nafsi na ro inaenda. La mort, kifo, c'est le corps sans, qu'est-ce que dit? Le corps sans âme. Inakuya tu ni mwili bila nafsi. Mais dans la parole de Dieu, muneno ya Mungu, la mort, kifo, devient l'instrument inakuwa tu ni chombo final ya mwisho puissant ya uwezo de Satan ya ibilisi pour anéantir l'homme sababu aharibu binadamu. Voilà pourquoi kwa mana certaines familles machamala ingine ont perdu la force wao walipoteza nguvu depuis la mort de leur père tangu kifo kya baba zao depuis la mort de leur mère tangu kifo kya mama yapo depuis la mort d'un oncle tangu kifo ya mchomba la mort kifo devient l'instrument du diable imekuwa chombo ya ibilisi pour anéantir les espoirs de quelqu'un sababu apate kukata kitumaini ya mtu fulani. Et dans la parole de Dieu na ndani ya neno ya Mungu il y a quatre sortes de morts. Kuna kuya kifo ine. Premièrement, kifo la kwanza. C'est la mort spirituelle. Inakuwa tu ni kifo ya kiro. Elle consiste à séparer l'homme de son créateur. Inakuwa tu kuachanisho na binadamu na ule aliweza kumumba. C'est une mort dangereuse. Inakuwa ni kifo kibaya. Elle a pour signe dans l'âme. Inakuwa kama na alama munafsi. L'homme n'aime pas les choses de Dieu. Binadamu asipende vitu ya Mungu. Pendant que nous nous dansons, lui il voit que ça dérange. Wakati sisi tunacheza cheza naona kani kelele tu. C'est ça la femme de David. Cho mwanamke huyu bibi wa Daudi. Elle voit David en train de danser. Akamwona Daudi anacheza. Mais il dit, mais toi. Akasema wewe. Tu oublies que tu es roi. Ukasabu kwa mfalme. David dit non, je danse. Daudi akasema nacheza. Parce que je sais d'où le Seigneur m'a tiré. Sababu najua ni wapi Bwana alinitosha. La mort spirituelle. Kifo ya kiroho. Tout homme en naissant. Kila mtu wakati alizalikwa. Il est déjà mort spirituel. Amesha fariki ndani ya kiroho. Tu peux être fils d'un pasteur. Unaweza kuwa mwana wa mchungaji. Fils d'un bishop. Mwana tena wa bishop. Tant que tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Kama hauyampokea Yesu Kristo. Comme Seigneur. Sasa Bwana. Et sauveur. Na mwokozi. Personnel. Wa pekee. Tu es mort. Wewe unesha fariki. La mort spirituelle. Kifo ya kiroho. La Bible dit dans 1 Timothée. Biblia inasema mwa Timothy wa kwanza. Celui qui vit dans les plaisirs. Mwenye anaishi tu mumania. Est mort. Anesha kufariki. Quoique vivant. Nini hata anakuwa mzima. Vous allez voir son habillement. Utaona hata hali yake ya kuvala. Vous voyez son attachement à la prière. Unaona hivyo hali ya kuambatanisha kwa maombi. Il ne veut pas obéir à la parole. Asipende kutii kwa neno. Dans son téléphone il y a des bêtises. Ndani ya simu yake mko vitu vibaya. C'est mort. Yeye anaesha kufariki tu. La Bible dit dans Ephésiens. Biblia inasema mwa Efeso. Chapitre 2 verset 1 à 8. Yake ya pili. Vous étiez mort par vos offenses. Muliweza kufariki kupitia mabaya yenu. Tout païen c'est un mort. Mupagano wote anakuwa ni mufu. Nous avons des morts qui nous dirigent. Tunakuwa na wafu wanatuongoza. Tu as épousé des morts. Unesha tukolewa na mufu. Quelqu'un qui est mort. Mtu anesha fariki. Il peut te faire tout ce qu'il veut. Anaweza kukufanya yote ametamani. Et il n'a aucune conscience. Naye ana na dhamiri hata moja. Il peut tuer. Anaweza kuwa. Regarde. Quelqu'un entre dans ta maison. Il viole la maman et les enfants. C'est un mort. Quelqu'un prendre le poison mettre sur quelqu'un. C'est un mort. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2. Si quelqu'un a la haine. C'est un mort. Comment tu peux détester quelqu'un? Unaweza tu upende mtu mwingine? Il y a beaucoup de morts habillés en costume. Kuna kuya wafu wa mingi wanaisha kuvuala makoti. Des morts qui parlent anglais et français. Wenye tena wafu wanasema français na anglais. Dieu n'a pas une place dans leur âme. Mungu asina nafasi munafsi yao. Il peut tuer comme il peut. Anaweza kuua vile anatamani. Et le monde tel qu'il est. Na dunia vile inakuwa. C'est parce qu'il y a beaucoup de morts. Ni sababu kuna kuya wafu wengi zaidi. Mais Jésus est venu. Yesu alikaribia. Pour que les morts écoutent sa voix. Sababu yu mufu wasikie sauti yake. Et ceux qui l'auront entendu. Na wale watamsikia. Il dit ils vivront. Atasema wataishi. Je tiens à annoncer à quelqu'un ce matin. Kutangazia mmoja asubuhi. Jésus a besoin de toi. Yesu anakuhitajia. Tu seras une bonne mère. Utakuwa tena mama mzuri. Tu seras un bon père. Utakuwa baba mzuri. Par Jésus Christ. Kupitia Yesu. Jésus a la mission. Yesu ako na kazi. À tous ceux qui le l'ont reçu, ils passent de la mort à la vie. Amina. Chanter sans être vivant, c'est perdre le temps. Kuimba kisha uko mufu inakuwa ni kupoteza wakati. Perdre le temps. Kupoteza wakati. Il y a les gens qui commettent le péché et ils vont encore commettre. Kuko watu wanafanya zambi kisha watarudiria tena mumazambi. Comment tu peux décider que tamuisha, tamusukisa? Comment on a chukua mupango ya kusema je veux faire souffrir cette personne? En toi ya kwa mon Dieu. Yako en toi ya, qu'est-ce que tu sens? Nini unashikia ndani yako? Dans Daniel 4, on lui dit, Daniel, le cœur d'homme lui sera ôté, on lui donnera le cœur des bêtes. Il y a des gens qui vivent ici. C'est vraiment un porc. Un porc, c'est moindre. C'est vraiment un lion. Il peut te dévorer tel que tu es. Pourquoi? Quoi, la mort dans l'âme. Qui fondane ya nafsi. Et la Bible dit. La Bible nasema. Dans Psaume 116. Dans Yazaburi 116. Le verset 8. Saliwa ketena. Tu as délivré mon âme de la mort. Ulifungua nafsi yangu kwa kifo. Et mes yeux de larmes. Na macho yangu kwa chozi. Et mes pieds de chute. Na kisha mikulu yangu kwa que Dieu donne la vie à ton âme. Mungu apatie uzima kwa nafsi yako. Je parle à quelqu'un, que Dieu donne la vie à ton âme. Nasema na mmoja, Mungu alete uzima. Si Dieu donne la vie à ton âme, kama Mungu analeta uzima, tu arrêteras le péché de toi-même. Acha zambi kwa wewe peke. Personne ne te forcera. Hakuna mtu atakaye. Personne. Huna mtu. Toi-même. Wewe peke. Tu diras, ça je ne ferai pas. Utasema hiyo sitafanya tena. Ça je ferai. Hii mitafanya. Ça je ne parlerai pas. Hii mitasema. Ça je ferai. Hiki mitafanya. Toi-même. Deuxième mort. La mort sociale ou la mort civile. Donc c'est la privation des droits et devoirs sur terre. Chez les Grecs. Grec, il y avait certaines condamnations, on te dit tu es dans la mort civile. C'est-à-dire tu vivras. Utaishi. Mais tu n'as aucun droit à recevoir. Lakini hauna tena na sheria nyingine unaweza kupokea, kitu unaweza kupokea. Il y a des gens qui vivent sur terre. Kuko watu wanaishi pa udongo. Malheureusement, ils sont déjà morts. Kwa ole wanesha tu kufariki. Les sorciers et les méchants warozi na wabaya déclaré et signé l'acte de décès. Wanatia wanasema kuko kitu ya kufariki juu yake. Tu peux vivre 70 ans. Unaweza kuishi 70 ans. Mais tu n'as pas droit au mariage. Lakini hauwezi kuingia mundoa. Tu n'as pas droit au bonheur. Hauwezi pata tena inakuwa ema. C'est pourquoi Ecclésiaste chapitre 4 le verset 1 à 2. Ecclésiaste 4 na msali wake wa kwanza mpaka 2. À cause de l'oppression. Kwa ajili ya kushurutisho. J'ai vu le mort. Niliona wafu. Plus heureux que ceux qui vivent. Wanakuya tu waheri kushindia wale wanaishi. Quand le fils prodigue est rentré. Huyu mwana mpotevu wakati alirudi. Son père a dit. Baba yake akamwambia. Ce fils que vous voyez. Huyu mwana mkaona. Il était mort. Yeye alikuwa ameshafariki. Il est revenu à la vie. Lakini anarudi kuzima. La vie des souffrances. Hiyo tena maisha ya mateso. Qui caractérisait ce jeune garçon. Yenye ilikuwa hali ya huyu kijana. C'était la mort. Ilikuwa ni kifo. Je viens parler aux morts sociaux. Nakuya kusema na awa wafu katika watu. Toi à qui on a dit tu vivras mais pas ça. Lakini wewe walisema utaishi lakini hautapokea kifulani. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. C'est pourquoi. Njo kwa maana. Quand Moïse regarde Ruben. Wakati Musa kamwangalia Ribuni. Il dit que Ruben vive. Ya kusema Ruben apate kuishi. Et qu'il ne meure point. Lakini asifariki. Est-ce que Ruben était mort? Ruben aliweza kufariki. Ruben vivait mais sans prééminence. Lakini Ribuni aliweza kuishi lakini asikukua na ile hali ya kwanza. Ruben vivait mais il n'avait pas l'abondance. Lakini aliishi asikukua na ile hali ya utele. Ce matin. Asubuhi. Vous qui vivez. Nini munaishi. Et le diable a dit. Na ibilisi alisema. Tu n'arriveras pas là-bas. Hautafika pale. Tu n'auras pas cela. Hautapokea kifulani. Je déclare sur ta vie. Mimi natangazia maisha yako. Vivez. ici, vivez, ou ici, vivez, ou ici, vivez, ici. Jésus a dit, comme je vis, vous vivrez aussi. Au nom de Jésus, tout ce qu'on a volé, donne amen, ça reprend. Donne amen, reçois cela. La Bible dit dans Esaïe, Israël, que tes morts revivent à cause de la rosée. Ici il y a la rosée. Tu me donnes amen, vie. Tu me donnes amen, vie. Ce qui était loin va te chercher. Au nom de Jésus-Christ, vie, vie, vie. Ne meurs point. Ne meurs point. Ne meurs point. Amina. Psaume 143. Zaburi 143. Le verset 3. Sariaki atatu. Que l'ennemi me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont déjà morts. Hadu yananikalisha tena mugiza kama wale wanesha fariki. Wakufa bana mowaka. Est-ce qu'un mort on le prend en mariage? Ate qu'on emploie bien. Même si ce mort a un joli nez. Chuta figo nangara. Tu arriveras et tu t'es dit. Tina. Eh Tina. J'avais des projets avec toi. Nilikuwa tuna mipango kwa ajili yako. Et il y a des gens comme ça. Ils habitent dans les ténèbres. C'est ma hey Yahweh, hey Yahweh. Ndoa yangu inaishi. Makuta yangu ishi. Maisha yangu ishi. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Amen. Yako inakawa. Soyez béni. Mubarikiwe. Amina. C'est quoi la bénédiction? Nini mekuwa baraka? La bénédiction. Baraka. Un. Ya kwanza. Se recevoir ce que mon sang refuse. Ni kupokea kile damu yangu inakatala. La bénédiction, ce n'est pas avoir les lunettes. Baraka inakuwa tu na makalashi tu. Tout le monde peut acheter les lunettes. Watu wote wanaweza kuuza makalashi. Et bénédiction. Lakini baraka. C'est Dieu qui te donne ce que ton sang a dit non. Ni Mungu anakupatia kile damu yako ilikukataria. Ce matin. Asubuhi. Dieu me dit de te dire. Mungu ananiambia nikuoneshe. Reçois. Pokea. Ce que le sang a refusé. Ile damu ilikatala. Le sang a dit tu n'auras pas. Damu ilisema. Moi je te dis tu auras. Le sang dit tu n'iras pas. Moi je te dis tu iras. Le sang dit que tu ne feras pas. Moi je te dis tu feras. C'est quoi la bénédiction? C'est recevoir ce que les sorciers ont volé. Tu es béni. Le culte d'aujourd'hui, on a été béni. Bénédiction. Baraka. Ni paka kile baloji barikuiba. Ce dont les sorciers ont volé. Avant bakufwe ukipata. Avant qu'il ne meure, toi tu vas recevoir. Amen. Comme on a minike ini kanisa ya Mungu. Si tu crois que celle ça ça c'est. Répète après moi. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Barikiwe. Amina. Vous pensez que Dieu ni papa wa kuleta na kwa kufata taxe. C'est Dieu, c'est un papa. Une veste fatiguée vient chercher. Vous avez affaire à un créateur. Unakuya tu na ula na kwa mumba. Quand il bénit. Wakati anabariki. Il te donne ce qu'on a volé. Anakupatia ile barikuiba. Et eux-mêmes verront cela. Nao wataona hiyo. Je connais un cas. Najua hali mtu mmoja. Une sœur a mis au monde un enfant. Dada mwa aliweza kuzala. 13 ans après. Il n'y avait pas d'enfant. Par le miracle de la parole et de la prière. Anazala. Elle a eu un enfant. Son père quitte le village, arrive. Baba yake anatoka jijini na karibia. Elle voit sa fille en train d'allaiter. Anaona tu mtoto wake ananyonyesha. Ni mtoto wa nani? C'est l'enfant de qui? C'est mon enfant. C'est mon mtoto yangu. Wa wezi kuzala. Toi tu ne peux pas enfanter. Tazala je. Comment tu as emprunté? Pourquoi tu dis ça? Moi, j'ai déjà tout fermé, tout lié. C'est à une montagne. Ce que tu as lié, c'était pour les autres, c'était pas pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? La bénédiction. Baraka. C'est Jéhovah qui te donne. Jéhovah anakupatir. C'est que les hommes ont volé. Il est watu. C'est ma main, ma coute érudie. Dis amen que la. C'est ma main, nous devons érudie. Dis amen le mariage. On les amène, maïcha monzor érudie. Qu'une bonne vie puisse se retourner. C'est quoi la bénédiction? Baraka ninin. C'est Dieu qui te donne. Ce que les autres ont eu en occultisme. Dans ta famille, il y a un oncle qui a violé sa fille pour être directeur de l'école primaire. Mais toi qui es là, ou qui n'est pas qui quelqu'un, si tu me donnes, Dieu va te donner. Mungu atakupa. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe amen. En vain. Quoi boule? Vous couchez-vous tard. Muntazi vous levez-vous tôt. Pour avoir les peines d'affliction. Mais Dieu les donne autant à ses bien-aimés dans leur sommeil. Je connais un cas. Un papa, on a bouillé à Malao. Pour qu'il rencontre le gouverneur, il commence à traiter avec le gouverneur. Et puis dans notre église, il y avait aussi un garçon. Par la grâce. Il est entré dans un circuit, il rencontre le gouverneur. Maintenant, ils sont dans le bureau pour attendre le gouverneur. Il voit son petit frère qu'il avait chassé chez lui. Foutron. Fainéant, tu ne feras rien. Et puis, tous en costume, attendant le gouverneur. Et puis le gouverneur sort, il reçoit le jeune garçon, il entre dans le bureau. Et puis le papa là rentre chez lui, il dit, petit est arrivé trop loin. Ah oui, tu n'as pas suffi à Kambar. Nous devons arriver loin. Oui, oui, parce que Kumbar est Kumbing. Loin c'est au ciel. Notre vie est cachée avec Dieu au ciel. Maisha yetu inafichamisha na Mungu mbinguni. Oh anabamba muchi, oui. Il a touché au fetish. La croix aussi ni muchi. Musalaba nayo. Musalaba nayo ni muchi. Amen. Je parle à quelqu'un. Nasema na bile bari pata mulawa, wewe ubipate mu maombi. L'histoire retrouve cela dans la prière. Pale bari fika mu buwele wele, wewe fika mu kupiga kikelekele. Personne ne te prive de la bénédiction. Il n'y a que na kubakiria. Les années qui te restent. Ce que l'autre ose, tu l'oseras aussi. Ce que l'autre peut faire, tu le feras aussi. Boulonga ni bwashebote. La terre nous appartient. Boulonga ni bwashebote. La terre nous appartient. Batakoa. Va te prendre en mariage. Utazala. Tu auras des enfants ici. Uta voyager. Tu vas voyager. Utayenga. Tu vas construire. Utaishi. Tu vas vivre ici. Ici. Amina. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je prêche la parole ce matin? Anipe amen ya makari. Me donne un amen terrible. Aongeze amen ya moto. Ajoute un amen de feu. Il y avait deux hommes. Kulikuwa watu wawili. Apocalypse dit on les a tués. Funuo alisema waliwaua. Et tout le monde a vu comment ils étaient là. Et ils n'avaient même pas de sépulture. Un jour, deux, trois. Apocalypse 11 dit, et puis l'esprit de vie entra en eux. Ils se tinrent sur les pieds. Et ils ont entendu une voix qui dit, montez ici. Montez ici. Mupande apa. Et ils montaient, tout le monde voyait. Na barianza kupanda, watu wote walianza kuona. Toi qu'on a tué. Wewe waliweza kukua. Toi qu'on a dit c'est terminé. Walisema ni mwisho yako. Toi qu'on a dit mariage hasta onaka. Walisema tu veux pas le mariage. Toi on a dit c'est tout, c'est fini, c'est fini. Kwa jiki. L'esprit descend dans mon lit matin. L'esprit entre en toi. tu vas revivre. Ton mariage sera sur les pieds. Ton entreprise sera sur ton pied. Cette église sera sur ses pieds. Et bientôt, Dieu me dit de te dire, monte ici, monte ici, monte ici. Tu monteras, tu atteindras leur niveau. Ils verront, tu les dépasseras, tu monteras. Et ils diront, Mungu ni mzima. Dieu est vivant. Esprit de mort civile. Esprit de mort. L'esprit qui me prive du bonheur. L'esprit qui me prive c'est du bonheur. Esprit na nikataria kuendelea. Esprit na nikataria kuendelea. T'appelais Léo. Léo. Léo. Léo. Toka. Toka. Toka. Toka. Toka. Toka. Toka. On n'a pas d'enfant. On va t'enterrer avec une braise. Tout le monde ici aura une parcelle. Watu wote hapa watakuwa na lupango. Avant que les gens cotisent pour te payer un mètre sur deux. Bele bantu bakuchangishie njo bakuzie un mètre sur deux. Mungu wangu akupe mpango duniani. Que mon Dieu puisse te donner une parcelle dans ce monde. La nakani bakuririe. C'est quelle malédiction, on doit te plaire en cours de route. Auna kitanda, auna dra. T'as pas de lit, t'as pas de draps. Le jour que tu meurs, on commence à chercher le vêtement qu'on doit te mettre. Il n'y en a pas. Déchiré, ça c'est déjà abîmé. Comme c'est Dieu qui t'a créé. Et que tu es ici. Na uko hapa. Ici il y a Moïse. Il te dit. Anakuambia. Kalonga mepa. Kalonga ne meurt pas. Kalonga si Alain ne meurt pas. Si vie. Ici. Vie. Ici. Je parle comme David. Je ne mourrai pas. Si je vivrai. Ici. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Tout celui qui est derrière ta souffrance. Ce matin. Ce matin. Je dis ce matin. Je suis en train de creuser une fosse. Je les jette à l'intérieur. Au nom de Jésus. Tout celui qui provoque ton malheur. Jonas. Jonas. Il est dans ton bateau. Voilà pourquoi on a chomba. C'est pourquoi Jonas. Jonas. Il est dans ton bateau. Voilà qu'il y a des problèmes. Ce matin. Au nom de Jésus. C'est ma mère, mina bamba Jonas. Amen, je suis. C'est ma mère, mina bamba Jonas. Amen, mina bamba Jonas. C'est ma mère, mina bamba Jonas. Amen. On est amen à ma carré, mina nyangula Jonas. Je soulève. On est amen à ma tamina nyangula Jonas. Tout Jonas. On a des. On a des. Jésus Christ. On a des. Jésus Christ. Papa. Chérie. Nous. Nous étions dans la mort sociale. Quelqu'un qui dit. Comme on a pas dans mon avion. Hein? Lorsque tu seras dans l'avion. Que ma secousse, hein? Il y a vraiment des secousses. Nous n'avons jamais vu de près. Et comme Dieu est vivant. Ceux qui ont, ils ont eu à dire, tu vas le voir. Comme Dieu est vivant. Même si tu ne vas pas le faire correctement, vas-y, va le faire. Même si tu vas le. Mais ouais, on t'a fait caco. Tu vas y arriver, amen. C'est ta bénédiction, dis amen que ça atteigne ta vie. Jésus était mort pour toi ou pas? Jésus est mort pour toi. Tu es sûr? Tu es certain que Jésus est mort pour toi? Alors la mort civile, il t'a que ma chère encore. Il t'a que ma chère encore. Tu ne manqueras pas. La Bible dit dans Deutéronome que la vie de l'homme a trois paliers. Premier palier, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu loueras le Seigneur. Donc la vie, ce n'est pas manger ce qu'on t'impose, c'est manger pour te rassasier, c'est manger ce que tu veux. Dès ce matin, tu ne manqueras pas de pain, tu ne manqueras pas à manger, tu mangeras ce que tu veux. C'est ma main, hein? Dis amen. Mieux que permanence, hein? Moi, la permanence. Tu rends ça au commencement, Dieu créa les foufous et les sombés. Pourquoi? Sombe, quoi? Le sombe, c'était un fouet. Tu sens l'odeur. Tu veux dire, on a pris juste une petite silure et on a mis à l'intérieur. Nous avons augmenté des niveaux, nous sommes arrivés au niveau de frétin. Le frétin. J'ai eu à manger. Dieu et les diables affirment cela. Ça, c'est Léo. Et aujourd'hui, au moins que j'ai envie, je ne refuse pas. J'ai envie, je vais dire à mon épouse, tu peux faire pour moi le frétin. Le frétin et les Thompson. Que Dieu me pardonne. Ça moi n'amoué ba médecin. Tous les tests sont ensemble, tu n'as comment tu n'as pas nié ma panne. Moi n'amoué. Vous dites que la viande. Moi n'amoué. Tu es béni ce matin. Il est dit Kataria Pokéa bien. C'est le Dieu des miracles. Entre dans ta vie. Il me dit de te dire. Voici mon alliance avec eux. Exode 34. Je ferai des choses terribles. Parle baba ya quoi ya fika. Toi tu vas y aller. Toi tu vas voir cela. C'est pourquoi je dis à quelqu'un. Nambi amocha. La plus petite bénédiction c'est d'être béni. Baraka kidoko saidi na kwa ni mwenye kubarikiwa tu. Mais la plus grande bénédiction. Lakini baraka kubwa. C'est être source de bénédiction. Ni kuya chemchemu ya baraka. Alléluia. Amina. Apo kuna barikiwa. Tu es en train d'être béni. Mimi na kuna nabeba mfungulo. Je te vois prendre la clé. Unafungula mlango. Tu ouvres la porte. Unaingia mubukweri. Tu entres dans les mariages. Kisha mlango unabakia waje. Et la porte reste ouverte. Bote nabo bananza kuingia mubukweri. Les autres sont aussi en train d'entrer dans le c'est mariage. C'est ma main soit béni. Amen. C'est ma main soit béni. Amen. Et quoi bien ani pa amen ya mota kwa barikiwa. Amen. 3. Il y a tatu. La mort physique. Inakuwa tu ni mwili, kifo ya mwili. Pale njo tunafia kuwana na shetani busubui wa leo. Nous cherchons à nous tuer avec le diable ce matin. Satan, quand il voit que tu le déranges sur terre. Shetani wakati anaona unamsumbua pa udongo. La dernière solution. Jibu ya mwisho tu. C'est envoyer les gens pour t'exterminer. Nikutuma batu juba pate kukuua tu. Jérémie 11. Jérémie a commis na moja. Jérémie dit. Akasema Jérémie. Moi je ne le savais pas. C'est quoi Dieu ya pana? C'est toi Dieu qui m'a informé. Ni waya Mungu li. 18 à 19. Jérémie 11. Moi je ne savais pas. C'est quoi Dieu ya pana? Mais toi Dieu tu m'as informé. Je prie pour que Dieu informe quelqu'un. Ni waya Mungu li ni julisha. Mimi naomba Mungu achulishe kwa moja. Quel était leur dessein? Nini ilikuwa tu ni mipango yao? Moi j'étais bien avec eux. Nilikuwa tu mzuri nao. Mais ils ont dit coupons l'arbre avec son fruit. Walisema tu bakate muchi na tunda yayo. Il y a des gens familiers à toi. Kuko watu wanakujua. Pendant qu'ils sourient avec toi, wakati wanakuchekesha, ils ont la mission wao wanakuya tuni na shaba, de t'assommer. Bapate kukuwa. Dieu, Mungu, quand il nous a créé, wakati aliweza kutumba, il nous a donné la vie. Alitupatia uzima. Et la Bible dit, Biblia nasema, Dieu a fixé la vie qu'on ne peut pas franchir. Mungu aliweza kuweka hiyo maisha atuwezi kuyatambuka. Job 14. Job 14. Ayubo 10 na 5. Nos vies sont fixées. Maisha yetu banesha kuiweka. Dieu a déjà mis. Mungu ashakuiweka. Mais le travail de l'homme, lakini kazi ya binadamu, ya kwanza, c'est atteindre la borne de ta vie. Inakuwa ni kufika kule kumwisho ya maisha yako. 80 ans. Inakuwa 80 ans. 70 ans. 70. Dieu a mis la borne. Mungu anesha kuweka pale ali ya mwisho. Tu travailles pour l'atteindre. Uko natumika njuu ya kufika pale pa mwisho. Mais il y a les gens qui ne l'atteindront jamais. Lakini kuko wengine hawatafika pale kamwe. Dans ceux qui n'atteignent pas. Kwa wale hawafikie. 30%. Kwa wingi tu kidogo. C'est la pauvreté. Ni umasikini. C'est le manquement. Inakuwa ni kukosewa. Parce que Marthe et Marie ont dit. Sababu Martha na Maria wakasema. Si tu eusses été là. Kama uliweza kuyapo. Mon frère ne serait pas mort. Ndugu yangu asikuweze kufariki. Il y a des personnes sur terre. Kuko watu pa utongo. Ce sont des ressources de famille. Tant qu'il est là, une opération banale, il peut résoudre. Mets ta main que Dieu puisse te donner un homme. Tant que le pasteur est là, tu ne mourras pas. Tant que mchungaji est là, tu utafariki. Tant que l'église est là, peut-être tu ne mourras pas. On y peut amener, reçoit la ressource. On va couper médecin Moya dans son expertise à vomir le malaria, à congézer Maïcha. Il ajoute encore la vie. Pas les médecins Badjana. Pas les médecins d'hier. Ayuata ma verbe. Il ne connaît même pas les verbes. Il ne connaît pas les produits. Il est en train de mélanger le tout. Il va t'opérer comment il laisse les bistouris à l'intérieur. Il y a dans certains coins tu y arrives, bana vumbula na malaria la ugalaga na. Fashingine on découvre la maladie que tu n'en avais même pas. Ce dont tu dis c'est pas le rhume. Ni kantembele. Ça c'est une ma. S'il y a des hommes ressources d'une vie, my God. Tant qu'il est là, prie qu'il puisse rester. Dieu. Aide qu'il soit une ressource pour moi. S'il est là, je veux vivre. Ne sois pas orgueilleux, c'est ça. Que Dieu te donne une ressource. Mungu akupatie tena chemchemu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ya ya ya, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais la kini 30%, ce sont les insensés. Kokotoni wale awatambue. Ecclésiaste 7:17. Ecclésiaste 7:17. Ne sois pas méchant à l'excès. Ne sois pas insensé, pourquoi tu mourras avant ton temps. Tena wasipokusikia utafariki bila kufika kwa wakati yako. On ne prend pas les comprimés tels que tu es en train de le faire. Chauffeur, abatembesha ke vilo kuna tembesha. On ne conduit pas de cette manière. Muloji lwa kacha kuri kare ku village. Le sorcier il est. Parce que tu es insensé. Jue et tuna kwetu npumbavu. Le corps a des principes. Mwili inakuya na makanuni yayo. Ustu kubeba comprimé, ni anche, ni a bleu, unipe, na ya rouge, na ya noir, unipe ni kuna. Donne, je veux boire. Unakunywa, ay. Tu prends et tu as mal. Mile bona chaka ba kwango kama ko kiwelewele tutakuja sanduku tutafanya tutakushika. Tu ne veux pas vivre. Upende kuishi. Chez tu ta vivre. Nous allons vivre. Ata bana niweka pa liste. Mimi najima njina yangu. Je supprime mon nom. Décembre bongo balalanda. Décembre ils se sont trompés. La Bible dit qui aime la vie. Nani anapenda uzima Biblia inasema. La Bible. qui aime la vie et qui veut la prolonger. Je suis la paix. J'aime la vie. Il n'y a rien de plus beau, tu te trouves à l'aéroport avec ton sac. Mais il n'y a pas une bonne vie, tu es dans un restaurant. Les côtes de porc. Côtes. La Bible dit qui aime la vie. Bible na sema nani anapenda usima. Jim. Répond. Moi. Papa. Maïcha. La vie. Les gens qui sont en train de demander père, Dieu, moi. C'est un mariage très compliqué. Baba. Père. On est bébé. Prends-moi seulement. On est bébé. Prends-moi. Bakou nommé toi ta quête au maire de la ville. Que je ne connais ma on asma bungwa na sema. Ou ta koufwa. Que je puisse avoir une vision et dire que Dieu a dit tu vas mourir. Pourquoi il veut que je puisse mourir? Les insensés, ils n'atteindront pas la moitié de leur jour. Le méchant à l'excès. Psaume 55, le méchant à l'excès. Même si tu es païen, il y a ce qu'il faut faire et d'autres non. Tu es païen. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais les 40%, même 50%, ce sont des morts provoquées par des méchants. Il y a des gens. Parce que c'est toi le sauveur de la famille. Il y a un principe. Frappe les bergers. Et que les brebis se dispersent. Tu y as été élevé dans une famille. Le diable a organisé des réunions contre toi. Ils veulent te liquider. Mais moi je viens prier pour toi. Au nom de Jésus. Ceux qui veulent manger ta chair, ils mangeront leur chair. Celles qui veulent boire ton sang, ils boiront leur sang. Que mon Dieu te garde. Que mon Dieu te garde. Et quand le diable veut amener la mort, c'est pour te remplacer. Si tu es devant les gens, à un moment là, les gens pensent qu'eux peuvent mieux faire que toi. Quand il y a l'émission, c'est toi. Quand il y a tout, c'est toi. Alors, la solution, Najibu. Qu'on les tue. Et on va prendre sa place. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie. Ils veulent nous tuer pour priver les autres de la grâce. Dans la vie, ton sourire est important. Ta présence est importante. Si on est, tu vois la façon dont tu souris. J'apprécie beaucoup. Tout homme a un rôle à jouer dans cette église. Depuis que Moloto est parti. Depuis que Bonke est parti. Regarde les grâces qu'on a perdues. Il y a certaines personnes qui ne doivent pas mourir. Je prie. Mina komba ikala ikala. Zeka zeka. Tu dois vivre. Zeka zeka. Vieille. Au nom de Jésus. Zeka. Zema lufu toka. Zema lufu toka. Zema lufu toka. Zema lufu toka. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Donc on a quoi tout. En tais-tu pour ça. Quoi dit il y a yo tout. Pour faire cesser ton ouvrage. Néhémie 4:11. Nous allons les tuer pour arrêter l'ouvrage. Papa, il y a certaines choses. C'est parce que tu es vivant et si tu meurs, tu auras honte même dans les tombeaux. Il y a des choses qui ne marchent qu'avec mon sang. C'est pourquoi vie. Ici. Philippiens chapitre 1, Paul dit ceci. Philippo inasema hivi. J'ai le désir de m'en aller au ciel, ça c'est meilleur. Mina kwana nia ya kwenda mbinguni, iye ni mzuri. Même moi je veux aller au ciel, hata c'est meilleur. Hata mimi natamani kwenda mbinguni ni mzuri. C'est parfait. Inakuwa tu ni mzuri. C'est wonderful. Inakuwa mzuri. Mais il dit à cause de vous. Anasema kwa ajili tu yenu. Il faut que je demeure. Inabidi tu nibaki. Et je demeurerai. Na mitabaki. Pour vous faire avancer. Njoo nipate kumisongesha mbele. Là où tu es. Pale wiko. Je prie pour toi. Na kuombea. Demeure. Baki. Demeure Baki. Pour faire avancer tes enfants, pour faire avancer ta famille, pour faire avancer le pasteur, pour faire avancer ton église. C'est ma main, demeure. Akuna kintu kibaya sa. Il y a pas une mauvaise chose. Una balokwako ba 4. Tu as 4 de tes frères. Tu meurs et ils sont en train de vouloir prendre les pagnes de tes enfants. Dans la dot, nous allons demander combien de pagnes. Tu dois manger tes pagnes seul. C'est une bénédiction que je te donne. Zala, Batoto va avancer. Que les enfants aillent de l'avant. Tu dois applaudir pour les diplômes. Oui, moi, oui, moi, oui, moi, oui, moi, oui, moi, tu vas prendre même ton petit fils entre tes mains. Je suis en train de vous prêcher de la mort civile. À ton âge, on ne t'a pas encore donné de nom. C'est normal. À ton âge, on ne t'a pas encore donné de nom. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si je lui donnais le nom, ah, mon enfant va ressembler à tel. Quand tu as des magina, c'est que tu as la valeur dans la société. Wakati wanesha kukupanga magina, unakuwa na bei. J'en ai, d'autres ce sont des licenciés. Naway, toi aussi. Mungu akufufule. Que Dieu puisse te reçoit la force sur terre. Ok, angufu pa utongo, amina. Alors quand le diable veut anéantir ta force, wakati bilisi anapenda kuvunja nguvu yako, il envoie le messager de la mort. Anatuma huyu wa ujumbe ya kifo. Job 33, 22. Ayubo 33, le 22. Messager de la mort, ujumbe wa kifo, c'est la maladie. Inakuwa ni ugonjwa. Ce matin, asubuhi, j'ordonne à tout messager de la mort, ruhusu tena kwa huyu anapeleka ujumbe, de libérer ton corps. Achilie mwili. De libérer ton corps. Achilie mwili. Tout messager de la mort, wote anachulisha kifo. Dans ta vie, ndani ya maisha yako, l'accident programmé, l'accident au nom de Jésus, ujila la Yesu. Sema amen, yache maisha yako. Amen, que ça sema amen, yache maisha yako. Amen, que ça sema amen, yache maisha yako. Amen, que ça relâche ta vie. Que ça relâche ta vie. Et tu mourras. Avant de mourir, je déclare non à la mort honteuse. Apana ku kifo kia aya. Sema nakatala. Nakatala. Lufulwa aya. Lufulwa aya. Sema amen mina katala. Amen mina katala. Lufulwa aya. Lufulwa aya. Lufulwa aya. Lufulwa aya. Lufulwa accident. Lufulwa accident. Lufulwa masashi. Lufulwa masashi. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Ne meurs pas. Pana kufa. Sans réaliser les projets de ta vie. Bila kutimiza mipango ya maisha yako. Je veux voir quelqu'un mourir. Napenda kuona mtu anafariki. Et ses enfants appellent. Na watoto yake wanaita. N'enterrez pas papa. Musimuzike baba. Nous allons venir. Tuko nakuya. Les uns viennent de Kinshasa. Wengine wanatoka Kinshasa. Les autres de Côte d'Ivoire. Wengine wanatoka Côte d'Ivoire. Les autres de Cameroun. Wengine ku Cameroun. Les autres de l'Europe. Wengine ku Europa. Ils viennent. Wanakuja. Habillés en blanc. Et tu dors heureux d'avoir accompli la mission. Et il te salue, grand général. Va en paix. Va en paix. Ne laisse pas d'orphelins. C'est seulement à Kinshasa, même quelqu'un de 40 ans est orphelin. Pas qu'à Kinshasa, mon toi 40 ans, j'en ai orphelin. Bon, on a un orphelin. Moi, je vais en douer. Pongans à orphelin. 42 ans, papa. Orphelin, ni moins de 18. C'est ma main à autre orphelin. C'est ma main à autre orphelin. Avant de mourir, tous tes enfants seront des responsables. Minabari qui monte moi avant de mourir, tous tes enfants seront des responsables. Amen. Je refuse la mort douloureuse. Minakatala kifo kya kuuma. Leon Ntumbo, kesho mbamba pa, kesho ni mpoa, oh mpoa, bano pere mpoa. On opère les nez, on va opérer ton oreille. C'est les cheveux. On va couper. C'est ce genre de mort. Non. Tu mourras endormi. Oh, ta koufa mwenye kula. C'est ma amen, amen, amen. Dis amen. C'est ma amen, amen, amen. Amen, amen. Au nom de Jésus, je bénis ta mort. Tu seras heureux dans ta mort. Ta mort va réunir les gens. Ta mort va ouvrir la porte. Ta mort va bénir la famille. Ta mort sera une fête. Au nom de Jésus le Seigneur. Ta mort ne sera pas une faiblesse. J'efface ton nom dans le carnet des sorciers. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Refuse la mort dépouillée. Tu as 8 maisons. Alors, Il reste juste avec un bon français. En fait, le diable peut te dépouiller. Et Billy, vous pensez que les gens sont dans les hospices, ça va croire que c'est pas directeur. Non, c'est hospice, ils étaient pas des, ce n'étaient pas des directeurs. C'est le diable qui prévoit une mort dépouillée. Toi, personne ne va te dépouiller. Ce que tu as là, je le bénis, ça restera à tes enfants. Ça restera l'héritage. Aïe, aïe, aïe, c'est ma amen, batabarikiwa. Les amens seront bénis. Reste pour faire avancer les autres. Tes frères ont fini les études amen, grâce amen, à toi. Amen. Famille wa ta famille a été mariée grâce à toi. C'est pourquoi la Bible dit, on voulait tuer non seulement Jésus, même Lazare. Parce que les gens croyaient en Jésus à cause de Lazare. Toi qui es important dans l'église et dans la famille, lève la main. Je mets le sang de Jésus sur ta vie. Aucun exterminateur ne va passer dans ta maison. Au nom de Jésus. Aucun méchant ne touchera à ta vie. Ne touchera à ta vie. Ne touchera à ta vie. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Je termine en disant. Quand Babylone a attaqué Israël, il a laissé Gedalia. Gedalia est devenu gouverneur. Gedalia alikuwa tu mkubwa mkao. Ça, c'est Jérémie 40. 16 et les suivants, et Jérémie 41. Je termine par là. Na Jérémie 41, Namalizi a parlé. Quatrième mort, c'est la mort éternelle. Hein? Le séjour de mort. Mais je parle de la troisième mort. Quitter dans le monde. Avant ton temps. Je refuse. Minakatala. Et la plupart, na wengi, ce sont des méchants ni wabaya, qui programment la mort. Kifo. Il y a des grands sorciers dans nos familles. Ils peuvent te les guider, tu t'entends. Tu te tues toi-même. Panaweza kufanya ujiuwe peke yako tu. Il est pombo na kunwa ile. Kuku mtu kona iprogramme. Tu prends, il y a quelqu'un qui programme cela. Il faut shima me asubu yale. Cela doit s'arrêter ce matin. Crois-tu cela? On a aminia. Ça va s'arrêter ce matin. Itashima masubu yale. Amen na makari itashima male. Donne-moi un amen fort. Alors qu'il était gouverneur, chez les Ammonites, il y avait un homme qu'on appelle Baalis. Il envoie Ismaël pour aller tuer le gouverneur. Et Gedalia, na Gedalia, là où il était gouverneur, l'espoir renaît dans la ville. On l'informe. Ismaël qui vient là, Ismaël mwenye anakaribia, il a la mission d'être tué. Anakuwa na shaba kwa ajili ya kuwa. Il dit non, c'est toi qui inventes des choses. Moi ma kanisa yenu, vous dans vos églises. Oh, il y a seulement les esprits de sorcellerie dans vos églises. C'est la réalité spirituelle. On n'exagère pas. Atuzidishe. On a l'expérience spirituelle plus que toi. Il y a des gens qu'on vise, qu'on décide, wenye wanachukua mipango, que 2 ans itapita. Si ma miaka mbili ne va pas passer. Mais les gens ne croient pas. Lakini watu awaminie. Il dit ok. Adio. Gedalia est gouverneur. Ismaël arrive. Ismaël anafika. Ismaël lui seul. Yepeke tu Ismaël. Il embrasse le roi. Anabusu tena mufu, na la Bible dit quelques jours après. Na masiku ikapita, il tue Gedalia. Hauriweza kumuua Gedalia. Il tue le soldat qui était à côté de lui. Anaua askari alikuwa pembeni yake. Il tue tout le monde. Kaua watu wote. Et il y avait 80 personnes qui venaient adorer. Na kulikuwa tena watu 80 walianza kuja kuabudu. Et Ismaël le reçoit. Ismaël akawapokea. Il commence à tuer. Akaanza kuua moja parmi les 80. Katikati ya wale watu 80. Il y avait 10. Kulikuwa tena wakumi. Qui ont dit à Ismaël. Wakamwambia Ismaeli, tu ne peux pas nous tuer. Hauwezi kutuua. Parce que nous avons des provisions cachées dans les champs. Sababu tunakuya na chakula yenye kuficha ndani ya shamba. Quand Ismaël entend. Wakati Ismaël akaelewa hiyo. Ces gens ont des choses cachées dans les champs. Sema watu wana vitu wanesha ficha. La Bible dit il les a épargnés. Biblia sema aliweza kuwaepusha. Jusqu'à ce que Jokanan. Mpaka pale Jokan. Commence à combattre Ismaël. Akaanza kumukombanisha Ismaël. Et Ismaël a fui. Na Ismaël alikimbia. Comment on peut vaincre Ismaël? Namna gani kumshinda Ismaël? Ismaël c'est l'esprit méchant qui est consigné à te tuer. Ismaël ni pepo mubaya inapenda kukuua. On peut le vaincre. Namna gani kumshinda? Avec des provisions dans les champs. Ni kama tunakuwa na vitu ndani ya shamba. On peut le vaincre. Tunaweza tena kumshinda. Par un combat spirituel. Ukena mubukovi wa kiroho. N'abandonne pas les combats spirituels. Hapana kuacha tena ukovi wa kiroho. Réveille-toi la nuit. Inuka busiku. Libère ton âme. Upate kuya kwa u de toute action maléfique. Matendo yote mabaya. Dans Juge chapitre 5. Katika Wamzi na sura ya 5. On nous parle de Sisera qui attaque Israël. Bana tusemeze tu ya huyu Sisera na kombanisha Israël. Ruben lui est dans les délibérations. Buni anakuwa mwali ya kufuli. Il réfléchit. Yeye anakuya tu eko na waza. Il est en train d'écouter les bêlements des brebis. Anasikia vile wa kondoo weko na ria. Mais Neftali. Lakini Neftali. Affronte la mort. Yeye anakutanishana na Kristo. Il est en train d'être menacé par la mort. Yeye eko na pikana na Kristo. La Bible dit ils ont commencé à combattre. Biblia inasema wanaanza kukombati. Quand sur terre tu combats. Wakati pa utango na pika. La Bible dit les rois combattirent. Biblia inasema wafalme wakapiga. Le ciel combattit. Mbingu nayo. La nature combattit. Hata ulimwengu nayo pia. Pour vaincre le diable qui veut te tuer. Tu ya kusinde bilisi mwenye anatamani kukua. Regarde le champ. Cache-y quelque chose. Dieu ne protège pas les gens qui ne cachent pas les choses dans les champs. Prends ta vie. Mets-la dans la chorale. Prends la vie. Mets-la dans l'évangélisation. Prends ta vie. Mets-la dans le nettoyage. Prends ton argent. Soutiens les bureaux. Prends l'argent. Soutiens mon lima. Dieu te protégera. Hatakukinga. Amina. Et dans Luc 12, na Luke 12, un homme a moissonné, il dit mon âme, tu as beaucoup de bien, réjouis-toi. Kasema nafsi yangu furahikiwa na kona vitu nyingi. J'avais dit les 3 choses que Dieu donne à l'homme. Kasema vitu tatu Mungu aliweza kupatia binadamu. Manger, se rassasier. Kula, kujiba. Bâtir et habiter de belles maisons. Kujenga na kuketi manyumba mazuri. La belle maison c'est celle qui dépasse de ton père. Nyumba mzuri ni ile inapita nyumba ya baba yako. Nyumba mzuri. La belle maison. Aina maison blanche. Ce n'est pas une maison blanche. Ni ile inapita mlori komeyaka. C'est la maison qui dépasse la maison dans laquelle tu as grandi. Batoto yetu mina saba. Petit moment on a cache. Vous avez un travail. Chez nous tu trouves 4 chambres. Nous étions dans 4 chambres. Même Mon annexe dépasse la maison de mon père. Ata nyumba yangu ya kumkongo inapita nyumba ya baba yangu. Ça va petit pour la cage. Ils ont un travail mes enfants. Mais heureusement bien qu'on a rombe batafika. Ils sont en train de prier, Dieu a dit, ils vont tu y arriver. Bâtiras toi. Oui. Tu bâtiras. Kuta chenga. De belles maisons. Nyumba nzuri. Bâti une belle maison. Nyenga enga bâti une belle maison. Enga nyumba nzuri. Bâti une belle maison. Enga nyumba nzuri. Et toi, lorsque tes biens vont se multiplier. Wakati vitu yako vitajichulisha. Motoka mbili mbili tatu. Voyage mbili tatu. Manyumba moya mbili tatu. Deux ou trois maisons. Ah. Alors il dit mon âme a beaucoup de bien, réjouis-toi. Nasema nafsi yangu inakuwa na vitu vizuri na upate kufurahikia. Tu vas mourir. Siku wakamwambia utambariki. Ainsi pour tout celui qui n'est pas riche pour Dieu. Sho hivi kwa wote ashina mtajiri kwa ajili ya Mungu. C'est ça Luc 12. Itafikia na yoyote ule ana mtajiri juu ya Mungu. Cela arrivera pour celui qui n'est même pas riche pour Dieu. Les problèmes de prédication comme ça, on va donner les enveloppes, ce n'est pas ce que j'attends. Mambo mobili tutaleta mabasha aina ile mimi nachunga. Oui. Toi. Sois actif mu chorale. Ukuye kuna jiweka kwa utendo dans l'évangélisation. Regarde où tu vas investir dans les champs. Ni wapi utaweka ndani ya shamba. Il y a beaucoup de départements. Kuna kuya ma département. Un chrétien, c'est pas tu viens dimanche. Unakuya kanisa. Tu pars. Unaenda pana. Viens. Karibia. Investir dans les champs. Pate kuweka tena mshamba. Dorcas. Dorcas. Tu peux mourir. Naweza fariki. Mais il y a des gens qui disent ne meurs pas. Uko watu watasema asikufe. Il montre les choses de Dorcas. Wanaonesha vitu vya Dorcas. Kukubali manga utakufa mimi nakuonesha. Tu ne vas pas mourir. Mimi nasema Mungu wangu akuchunge. J'ai dit que mon Dieu te garde. Parce que ta présence. Wapo wako. C'est nous faire avancer. Inakuwa ni kutuonesha. Il y a des gens qui veulent que tu meurs. Wengine wanatamani pour enterrer tes songes. Juu ya bajiki mambo yako c'est un mensonge. Il y a les autres qui veulent te tuer. Wengine wanapenda pour prendre ton héritage. Juu ya kuchukua urithi wako. Un papa qui vient du village, il prend la télé. Utafana yule. Naona baba natoka kujijini anachukua TV. Tu feras quoi avec? Anatukuna na DSTV. Il prend aussi l'antenne. Mina baba naiki Kinsani. Je prends aussi cette antenne. Apana antenne, uitaye pour appeler Kinsani. Nachukua Kinsani. Kubele bantu vile bako na kona. Bona bezwe ba bebe bile byako kona byo. Bon. Il y a certaines personnes ils te voient ils veulent prendre ce qui t'appartient, ce qui t'appartient. Ya tapata kama mimi na mupa. C'est ma mère, na tapata kama mimi na mupa. Amen, il aura quand je vais lui donner. Mupate kuweka. Et soyez prudent. Na mukuye tu anto na kebange. Muiduni. Dans ce monde. Muntu wote il ne faut pas fike kwako. Ce n'est pas tout le monde qui doit arriver chez toi. Dans votre chambre, la chambre est ouverte. Intime. C'est celle-ci, c'est mon intime. Les chrétiens sont tellement imprudents. T'as une voiture? Aneka pa mitandao. Je t'informe que le diable travaille par l'information. Na kujulisha kusema ibilisi anatumika ni kama anajua. C'est pourquoi Psaume 39 dit je m'étais, je n'ouvre plus la bouche tant que le méchant est devant moi. Mine kala kimya shitafungula kinywa yangu wakati tu mubaya anakuwa mbele yangu. Pote yako mu radar, c'est ce que la Bible dit dans Jean. Tu dois disparaître. Quand on a voulu tuer Jésus. Wakati walipenda kumuua Yesu. Jésus se déplace. Yesu aliweza kwenda fazi zingine. Tu dois te cacher dans certains problèmes. Il y a des réunions dans la famille, tu ne dois pas y être. C'est toi, Piana, tu es assis là. Vous avez dit quoi? Tu t'es chamaillé avec une personne qui te dit, mais je te bénis. Toute parole de la mort. C'est ma main mine ivunje. Dis amen, je suis. C'est ma main mine yaribisha. Amen, je suis en. C'est ma main itoke. Amen, que ça te lâche. Jina yako. Ton nom. Ipate baraka. Amen. Ne meurs pas. Ushikufe. Sans mariage. Bila ndo. Sans maison. Bila nyumba. Sans bonheur. Bila e. Sans enfant. Bila watoto. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Ne meurs pas. Hapana kufa. Sans réaliser tes rêves. Bila kutimiza ndoto yako ici. Ici. Vi, la mort honteuse, la mort honteuse, c'est mourir sans enfant. La mort honteuse, c'est mourir païen. La mort honteuse, c'est mourir chez les féticheurs. La mort honteuse, c'est mourir avec des enfants hors mariage. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde la grâce. Tu ne dois pas mourir, ton enfant n'a pas encore eu le diplôme de licence. Ne meurs pas si ton enfant n'est pas encore ne meurs pas si tes enfants ne sont pas encore de personnalité. Yahweh. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Auquel est attachée une bénédiction pour que tu sois heureux et que tu prolonges les jours. Toi qui es ici, que Dieu prolonge tes jours. Que Dieu prolonge tes jours. Crie après moi. Hey Yahweh, hey Yahweh. Hey Yahweh, hey Yahweh. Hey Yahweh. Nous sommes debout. Si Dieu te parle, tu veux donner l'offrande pour Moli Matrante. Viens seulement, tu t'agenouilles devant le pasteur, il prie pour toi. Tu peux ajouter tes jours, je te dis. Toi-même, dans ton cœur, tu dis oui, oui, oui, il faut que je mette quelque chose dans mon Dieu. Mon Dieu. Zambé na bomo. Yo. Tu veux cacher quelque chose dans cette église, viens. Toi-même dans ton cœur, selon tes moyens. Yes. Kolo yonde mo santo atale la kaseo iyangu yonde mo linga minanga natale la kaseo. Zambe na bomo. Imba na moyo, imba na moyo akupe bujima. Ukikufa utaoa bibi mwingine. Ukikufa utabata bema bintu byako. Nami kabila ya boninga maya. Oh Celui qui me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont déjà morts. Je me déconnecte de la mort sociale. Tu tapes les mains, tu pries. Tu es touché, tu veux investir dans Moulima 30. Viens voir le pasteur. Tu as ton offrande, prie. Prie. Le Saint d'Israël qui a mes projets réels. Tu es le Saint d'Israël. Oh yes. Je vis sur terre privée. Privée de magnificence. Privée de bonheur. Seigneur, je vis privée. Privée au roi. Bénis-moi. Bénis-moi. Encore. Nous allons maintenant attaquer les messagers de la mort. C'est la maladie. C'est un esprit de mort. Il y a un esprit qui cherche ta vie et qui veut que tu n'atteignes pas la vieillesse. Tu tapes les mains. Tu combats cet esprit-là. Tu éloignes ta vie de ces dangers-là. Mourir à l'étranger. Mourir parmi les gens qui ne t'appartiennent pas. Ce n'est pas biblique. Tu dois mourir entouré de tes frères. Tu dois mourir dans ta terre. Tu dois mourir en réalisant tes projets. Je veux voir un homme de guerre. Il tape les mains. Il anéantit l'esprit de mort. Prie. Prie. Prie. Loupe-foulotte, loupe-foulotte, l'esprit des morts, l'esprit des morts, l'esprit des morts, messager de la mort, messager de la mort, messager de la mort, messager de la mort, maladie, manquement, yes, yes, yes, Utupe Mushima, Utukomba Shemaisha. Seigneur, na mikono na omba katala lufu takuzala katala lufu yawa wache heritage katala lufu aufanya kitu mumaisha mumbo wango mumbo wango mumbo wango mumbo wango wango lesa lesa wangi lesa wangi mina katala. Toi qui vois beaucoup de morts dans tes rêves, tu vois toujours des morts, tu vois dans des cimetières, c'est un signal. On veut te prendre. Dans votre famille, il y a beaucoup de morts. C'est un esprit qui circule. Mais ce matin, il y a une bénédiction. Qu'il plaise à Dieu d'ajouter tes jours. Ézéchias a dit, Kumbuka nilikutumikia. Et Dieu dit, je t'ajoute 15 ans. On va vaincre la mort par rapport à ce que tu as mis dans les champs. Chacun selon ce moyen. Tu peux donner dimanche prochain. Viens, papa va prier pour toi. Toi-même, selon tes moyens, je ne dirai pas 100 millions. Je ne dis pas 1 million. Je ne dis pas 100 dollars. Toi-même dans ton cœur, tu dis cette offrande parlera pour moi lorsque je serai attaqué, lorsque je serai malade. Ça va payer même une ampoule, ça va payer même un micro. À cause de la provision dans les champs, Dieu va t'aider. Nous sommes debout les hommes de guerre, nous sommes debout les hommes de guerre. Mindjomi Shakushimama 2 heures, Shimama Tukombe, la mort nous menace. Mourir sans construire une maison, c'est échec. Mourir sans laisser une femme, c'est un échec de la vie. Mourir sans enfant, c'est un échec. Mourir tes enfants n'ont pas atteint l'université, c'est un échec. Mourir alors que tes enfants ne sont jamais, tu n'as jamais mangé le salaire de tes enfants, c'est un échec. Mourir sans recevoir la dot, sans accompagner tes enfants, sans recevoir la deuxième, tes petits-fils, c'est un échec. Que Dieu te aide. Que Dieu puisse encore ajouter les jours. Entre dans les naturels et les spirituels. Efface ton nom dans les carnets maléfiques. Efface ton nom dans les carnets maléfiques. Tape les mains, prie. Tape les mains, prie. Tape les mains, prie. Tape les mains, prie. blado manuta seva. Ce qui est dans ta main, personne ne peut le ravir. Seigneur, le méchant s'avance pour désir. Pour manger ma chair, qu'il recule au roi. Nous levons nos mains, nous prions pour notre pasteur. Et tu pries par la même occasion pour toute personne importante par qui vous vivez. Tu as un grand frère. Tu as le travail à cause de cet homme-là. Tu as la valeur à cause de cet homme-là. Prions pour ce personne. Cible de l'ennemi. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Je prie pour le pasteur Désiré. Je prie pour sa famille. Je prie pour les uns et les autres. Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Maya misonangai, Maya misonangai, Maya misonangai. Prie. Maya misonangai. Prie, prie, prie. Et comme il est locos. Thank you. avez pris l'enveloppe, je ne sais pas, vendredi. Rapidement, viens. Nous chantons ces cantiques dans ce rythme-là, merci. Yes, yes, yes. Bapota ya mote malanga o kausi yango. Rapidement. Merci beaucoup. Très bien pour vous-même, merci. Du fond de mon cœur, je dis merci au révérend Désiré. C'est Maxime, t'es quoi, révérend Désiré? Pour nous avoir choisi, alors qu'il y a des milliers de bons prédicateurs plus que nous. Révérend, merci. Merci à toute l'église. J'ai donné ce que j'ai pu. Selon que l'esprit a voulu que je donne. Que Dieu vous aide à rester unis. Mungu amisaidie mubakie wenye kuambatanishwa. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu. Kutumika vizuri na vizuri ku kazi ya Mungu. Que Dieu vous garde. Mungu amikinge. Que Dieu vous protège. Mungu amikinge. Que Dieu vous ouvre son bon trésor. Amifungulie tena azina yake mzuri. Ce qui vous était impossible. Kila kikuwezekane kwenu. Vous soit possible. Kiwezekane. Les limites familiales. Ipaka ya chamala. Que Dieu les allonge par sa grâce. Mungu tena irefushe kwa neema yake. Selon qu'il est écrit. Kufatana na vile imeandikwa. C'est ta faveur qui relève notre force. Ni wema wako inanyanyua nguvu yetu. Que la faveur de Dieu. Wema wa Mungu. Soit dans votre vie. Iwe maisha ni yenu. Que Dieu utilise mes paroles faibles. Mungu atumie tena maneno yangu madhaifu. Pour accomplir quelque chose dans votre vie. Ju atimize kitu ndani ya maisha yenu. Avec joie je dis shalom, merci. Na furaha nasema shalom. Bye, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour le docteur Luc? On peut acclamer. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer correctement? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer pour le docteur? Oh, gloire au Seigneur. Église, est-ce qu'on peut se lever? J'ai dit, est-ce qu'on peut se lever et acclamer pour le docteur? Dieu tient compte de sa parole, pas de nos émotions. Alléluia. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Je bénis vraiment le Seigneur pour cet homme de Dieu depuis que je l'ai connu. Que des profondeurs. Et je suis reconnaissant envers le Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que Dieu peut aller enlever quelqu'un de très bas et l'amener très haut. Je sais que Dieu peut faire des choses terribles. Aujourd'hui, il nous a parlé, c'est quoi la bénédiction? Ce que le sang ne peut pas te donner, Dieu peut te le donner. Alléluia. Amen. Tu dois avoir plus que ton père. Qu'il soit biologique, qu'il soit spirituel, vous devez avoir plus que nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis toujours, je dirais que j'ai réussi si vous nous dépassez. Et c'est possible parce que Dieu est avec vous. Personne ne pouvait imaginer que Élisée dépasserait Élie. Élie a prié, le feu est descendu. Il a prié, la pluie est venue. Mais Élisée a fait deux fois ce qu'Élie a fait. Faites aussi deux, trois, quatre, cinq, six, dix fois plus que ce que nous faisons. Ça c'est ma prière et c'est ma déclaration. Que celui qui a la foi reçoive cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La bénédiction c'est construire une maison et y habiter. La bénédiction ni quoi n'avait imaginé. C'est avoir des homos. Ton refuse même de te donner le nom. Non, c'est pas correct. Il a une vision. Nous avons été richement bénis. Tu me bariki wa kabisa. Docteur, que Dieu vous bénisse abondamment. Docteur Mungu amibariki. J'ai été vraiment béni. Tu bariki wa kabisa. Et je bénis le Seigneur pour votre présence. Tu bariki bwana Dieu visite votre ministère. Mungu allez de l'avant. Je sais que Dieu ne peut pas connecter deux personnes en vain. Dieu a quelque chose qu'il est en train de poursuivre. Et je crois que Dieu le fera. Personnellement, je suis très béni. Personnellement, ma famille et toute l'église. Il y a beaucoup de choses que vous avez dites depuis vendredi, hier et aujourd'hui. J'épargne seulement certains détails, mais au moment opportun, je vous en parlerai. Et pour moi, c'est des prophéties, c'est des choses réelles que je vais vivre bientôt. Et je bénis le Seigneur pour cela. Dieu est fidèle. À la fin de tout, vous allez chanter. Je proclame ta bonté, ta fidélité. Je dirai, oh. Voilà. Je donne le programme de l'église. Nous continuons notre Moulima 30 demain. Demain, ça sera le 14. Le 15. Ah, il faut nous chatter. Ok, demain, ça sera le 15. Et le docteur Luc Muteba, Kateba, David Kateba. Oh, tiens, j'ai dit Luc Muteba, David Kateba, c'est presque pareil. Ok, le docteur David Kateba arrive demain matin. Docteur David Kateba atafika kesho. Et à 16h30, nous commençons avec lui. Na 16h30, tu lances pas mojana. Il nous prend toute la semaine. Na tabeba juma muzima. Samedi matin aussi. Na mumposho asubuhi. Et il clôturera dimanche matin. Na tabeba asubuhi kama leo hivi. Je verrai avec lui par rapport au programme de samedi soir. Tengenezo ya mumposho na mangaribi. Et son intervention c'est ouvert à tout le monde. Na pas seulement pour les gens de la source féconde, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc soyons là. Déjà demain à partir de 16h30. C'est important. Et il nous reste 2 semaines. J'aimerais les 2 semaines qui restent soient des semaines de décision. Fais-toi violence. Tu as beaucoup de sujets de prière. Réveille-toi la nuit, prie pour ça. Bien-aimé, perdre 2 heures la nuit, c'est rien que de perdre toute la vie. Alléluia. Amen. Dormir un jour par terre, c'est rien que de dormir toute sa vie dehors. Amen. Amen. Amen. Amen. On n'obtient rien dans la vie sans sacrifice. Encore 2 semaines. Fais-toi violence, donne-toi des sujets de prière. Dis, Seigneur, dans les 2 semaines ici, je veux voir la différence. Mardi le 30, nous irons voir les orphelins. On l'a dit ici, à 40 ans, nous orphelins, amis, à Panabia. Nous allons voir les orphelins pour prendre soin d'eux. Et même ceux qui sont à l'église, nous allons combiner toutes ces choses. Alors, veux-tu participer à la bénédiction? Viens me voir. Donne ta contribution. Fais un geste de quelque chose que nous allons déposer aux orphelins. Vous allez constater avec moi que chaque fois que nous voulons faire un grand événement, soit nous allons en prison, soit nous visitons les vieillards, soit nous allons vers les orphelins. C'est pour que vous soyez connectés à ces choses aussi. Que ceux qui sont attentifs écoutent ce que l'Esprit dit. Et chaque fois, je fais cela. Donc, mardi, ça sera le 30 décembre, presque le dernier, avant le dernier jour du mois et de l'année. Nous voulons, avant d'entrer en 2026, faire quelque chose que nous allons rappeler à Dieu, qu'on a fait pour les orphelins. Nous aurons un seul culte, le premier. Le matin, nous allons donner le thème de l'année à notre culte de Accent Tibouana. Et l'après-midi, nous aurons une célébration 2026, probablement avec le pasteur. Là, il viendra avec la casquette de chantre Joël Kabou. Le 4 dimanche, le matin, le 4 est à quoi ici, on nous a parlé qu'il y a certaines morts qu'il faut éviter, qu'on évite quand on investit dans le champ. Déjà avant le 4, je parlais avec quelques personnes. Et le 4, j'aimerais prier et vous présenter certains serviteurs et les départements tels qu'on va fonctionner en 2026. Et l'après-midi, nous aurons une conférence des jeunes filles. C'est vrai, on parle de l'entrepreneuriat, mais ça prend presque tout. Nous allons aborder tous les thèmes. Alors, chaque jeune fille va inviter ses amis. Et ça sera à la Perle. Nous voulons célébrer le Seigneur dimanche le 4 l'après-midi. Partager ce que nous allons partager, mais parler aux jeunes filles pour leur bien. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons d'abord prier pour le docteur Luc avant de nous séparer, avant que je prie pour vous. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous levons nos mains vers lui. Prions pour lui. Église, prions le Seigneur. Prions. L'Église avait prié pour recommander Paul et Barnabas. Nous prions en tant qu'Église source féconde pour recommander ton serviteur. Yahweh, le Dieu de notre alliance, soit avec ton serviteur. Garde-le à toi au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous. Seigneur, merci. Bénis ton peuple. Soutiens-les pendant tout ce temps qui nous reste encore dans Moulima. Je te suis reconnaissant pour ce que tu as déjà fait. Fortifie chacun. Nous voulons que de grandes choses soient réalisées, que des témoignages se fassent au milieu de nous. Je les recommande entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Wanamungu awabariki wiki njema. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut,